Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour cette année 2019 et je tenais en premier lieu à vous souhaiter à tous une excellente année, tous mes voeux de bonheur, de santé, de prospérité. C'est la saison numéro 4 et c'est le premier épisode de Démocratie participative. Alors, je procède au rappel traditionnel, vous les connaissez, mais je ne peux pas y déroger. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez suivre bien évidemment notre site internet démocratieparticipative.website ou website. Qui aura vocation, je présume, à changer dans les jours à venir et jusqu'à ce que l'on parvienne à stabiliser la situation, mais nous ne savons pas pour le moment quand. Si vous le souhaitez, si vous aimez ce que nous avons fait jusqu'à présent, 3 saisons quand même, hein, de démocratie participative pour ce qui concerne le podcast et tout ce que nous faisons par ailleurs, si vous aimez, si vous trouvez que ça vous divertit au moins pour une semaine, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement par des dons exclusivement en crypto-monnaie. Ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Nous acceptons les bitcoins, Ethereum aussi, et Monero. Monero ayant notre préférence. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Nous avons aussi la version PDF hebdomadaire de Démocratie Participative qui est disponible tous les lundis. Donc, quand vous le recevez, n'hésitez pas à le diffuser à vos amis. De la même façon pour le podcast, créez des listes d'amis par email, hein, des listes, des mailing lists, comme on dit, de vos amis et partagez comme ça le lien en fait de l'émission. Et de la même façon, le numéro hebdomadaire de Démocratie Participative, ça vous permet comme ça d'accrocher de nouvelles personnes, de leur faire découvrir l'émission, et ainsi d'élargir la base loyaliste que nous constituons progressivement, semaine après semaine, mois après mois, et année après année. Voilà. Alors, je pense que j'ai procédé à tous les rappels, donc je vais maintenant présenter pour cette première émission de notre 4e saison nos participants. Et je vais commencer avec Magdav, qui est avec nous cette semaine. Bonne année Magdav, bienvenue. Salut Gandalf, bonne année à toi, bonne année à tous les auditeurs, et puis à mes copains intervenants. Cette année va être riche en événements, et je pense nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Ça a l'air de commencer sous les meilleurs auspices, je confirme. Est avec nous aussi cette semaine Astérix. Je m'en vais te souhaiter une excellente année 2019 aussi, Astérix. Bienvenue à toi. Eh ben pareil, bonne année à toi, hein, la santé, et puis tout le tralala, quoi, hein, tout ce qu'il faut pour être debout. Pareil aux auditeurs. Et puis, bonne émission. Hein, bonne émission à tous. En effet, Alexis est présent cette semaine aussi avec nous. Nouvelle saison, bien sûr, Alex. Je me dois de te souhaiter aussi une bonne année, Alex. Bah écoute, merci à toi. Et également, je souhaite à tout le monde une excellente année, que ça vous apporte ce que vous recherchez. C'est une bonne émission. Fulbert, présent, comme au premier jour, vieux soldat fidèle du national-socialisme. Comment vas-tu, Fulbert ? Bonne année à toi. Ah, merci, mes meilleurs voeux, bonne année à toi et meilleurs voeux à tous. Bah, tout va très bien, impeccable, quoi. Très bien. Enfin, Derek, pareil, hein, des piliers de l'émission, bonne année à toi et bienvenue pour cette quatrième saison. Ouais, bonne année à toi, bonne année à tout le monde, sauf à la fuite arrogante de l'Elysée et accessoirement en bande de Monsieur Benalla. Il m'a chauffé à blanc avec ses voeux, hein, cette espèce de grosse fuite arrogante. On peut lui dire merci quand même de nous avoir montré qui était l'ennemi, les flics, les journalistes, les juifs, les étrangers, et... Les homosexuels. Et les homosexuels aussi, voilà. En tout cas, vous avez le pentacle démoniaque, hein, voilà, Macron nous montre la voie. Oui, en fait, il a donné, en fait, le les États plan. Confédérés, tu vois, c'est... Il y en avait trois, c'est remis. Ben là, il y en a cinq, voilà, c'est comme ça. Merci, Macron, de nous désigner notre ennemi. C'est ça, il a donné les plans de la République, les Juifs, les PD... qu'est-ce qu'il y a encore? Les juifs, les PD, les flics, les homosexuels et les journalistes. J'ai dit les PD, les journalistes, voilà, et il en manque un cinquième. Bon, ouais, je sais pas. Ouais, bon, on se réfère voilà. Au tweet cet horrible avorton. Ces vœux ne t'ont pas convaincu. Ah, ils m'ont chauffé à blanc. Alors, puisque nous sommes sur cette année 2019, commençons tout de suite avec la rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Et on va rester donc sur le thème de la nouvelle année. Alors, c'est une expérience que un lecteur a voulu partager avec nous, un auditeur plus exactement a voulu partager avec nous. Je vous la livre. Donc, nous allons aller dans les tréfonds des boîtes de nuit. Hein, thématique assez légère pour commencer, mais pourquoi pas. Alors. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. Longue vie à cette émission, pleine de bon sens et très éclairante, avec des analyses hautement intéressantes et pleines de bon sens, de vérités crues, mais qu'il ne faut cesser de répéter pour qu'un jour davantage de Français ouvrent les yeux. Bon, je ne dis pas non aux remerciements. Je voulais vous faire part de mon réveillon du nouvel an. N'ayant cette année rien préparé de spécial pour cette fête obligatoire, j'ai opté pour une soirée en boîte de nuit, avec deux amis, faute de mieux. Pas la panacée, ni mon genre de sortie habituelle, mais c'était ça ou Patrick Sébastien avec les parents. Cet endroit, j'y ai déjà passé quelques réveillons. C'était il y a plus de 3 ans, cela me donne donc des éléments de comparaison. De mes souvenirs, au moins la fréquentation y était respirable niveau faune. Certes, pas mal de fils à papa, de bolos, et bien entendu de la pain beige de service, des groupes de poufs, des poufias de compète, des m'as-tu vu superficiels, bref, des grosses putes bouteilles vides qui se prennent pour des Marilyn Monroe, là n'est pas le sujet, même s'il faudrait se pencher un jour sur les femmes françaises qui sont vraiment des calamités ambulantes, une race à, et là je censure pour, ne pas finir devant le tribunal pénal international. Mais au moins, on ne subissait trop les affres de la diversité, surtout dans une ville du Nord, où, de l'avis même d'un ami policier, les nègres pullulent de plus en plus ces dernières années. Nous nous sustentons avec quelques amuse-gueules à notre arrivée, ainsi que nous sommes avec des coupettes de champagne. Vers 23h, il y a peu de monde. Quand soudain, nous vîmes deux gros nègres énormes, dégueulasses, se poser sur une table et commander des grosses bouteilles pour 400 euros. Bien sûr, ils ne ressemblent à rien, et vu leur allure, on se dit, pour rigoler bien sûr, que ces mecs-là, pour avoir un pognon pareil à claquer, doivent être ingénieurs, médecins, astrophysiciens ou chefs d'entreprise. De grosses montres et chaînes en argent saillantes équipent les deux gugus, qui ont choisi deux énormes bouteilles dont ils ne finiront à peine le quart de la première. Ils se désolent que personne ne les calcule, ce qui est pourtant la règle en boîte de nuit. Sans se rendre compte de leur ridicule, ces deux bamboulas discutent allègrement. Dealer ou scammer brouteur, à vos paris. Quand des petits blancs paient péniblement l'entrée au prix déjà excessif, eux alignent des bifetons et on doit en plus subir cette pollution visuelle et sonore de ces deux énergumènes. Mais ce n'est que le début du cauchemar. Plus tard, une horde de nègres en transe rapplique et investit les carrés VIP, encore plus grands, avec des bouteilles encore plus imposantes et des tenues encore plus extravagantes, ce qui jalouse ce que jalousent les deux gros nègres qui ont passé la soirée comme des cons près de leur bouteille. Ils se dandinent, meuglent et ont tout le bling possible et imaginable. Je suis sûr que la pétasse s'intéresse davantage à ce genre de calamité humaine qu'aux mecs bien sous tout rapport qui, pour elles, ne le sont jamais assez tant elles ont un comportement du genre « faut me mériter et puis en fait personne ne me mérite ». Ben oui, car certaines regardent avec intérêt ce pathétique spectacle. Bref, jusque 2h du matin, c'est encore respirable et il n'y a presque que du blanc sur les pistes. Mais après 7h, dans une boîte qui se voulait dans le temps select, tout le mauvais grain rapplique. Il n'y a pas de petit profit, l'ambiance se détériore et les vigiles interviennent régulièrement pour des problèmes. De calme, l'ambiance devient chiante, voire oppressante, car c'est une cascade de bougnoules et de nègres, criant en force dans la boîte, désormais transformée en melting pot ethnique. Et comme par hasard, l'atmosphère change du tout au tout, avec plusieurs incidents à la clé. Il y a aussi de la Fatima et de la Black. Deux maghrébines se sont prises la tête, hurlant jusqu'à s'envoyer des verres d'eau à la figure, dont une partie sur ma chemise. Je me souvenais d'une musique correcte, jadis house, techno, bon, de la musique de boîte, quoi, hein, plus ou moins commerciale, mais ça passait encore. Mais là, le grand remplacement ne s'est pas fait que sur piste et dans les salles. Un certain nombre de poufs et de faces de bourges déguerpissants, avec toujours des bolosses et de nouveaux Jimmy. La musique est désormais 100% nègre, il souligne, hein, nègre. De la musique nulle à chier de nègre à fond les ballons sans aucun intermède autre que cette immondice sonore. On a même eu du Magic System et du maître Gims, comme si le DJ avait vu le changement de configuration de la boîte ou cédé aux nègres VIP qui imposent leurs lois et leur musique. Cette poubelle humaine géante et qu'on ne peut même plus danser. Tout le monde est serré comme des sardines et ça se bouscule régulièrement. Et je vous laisse deviner qui joue des coudes avec le plus de véhémence. L'alcool aidant, l'armée bougnoulo négroïde se laisse aller. Le plus pathétique étant de voir tous ces blancs danser sur cette musique de merde de nègre, soumis comme des fiottes à cette faune. Peu après 4h, nous prîmes la décision de quitter ce bourbier, convaincus du fait qu'au même endroit, pour la même fête, le même réveillon du nouvel an, nous n'avions jamais vu un tel tableau. Toujours est-il qu'il ne fallait plus réfléchir longtemps pour prendre la première résolution de 2019, ne plus mettre les pieds dans cet infâme guépier. Salutations participatives. Alors, c'est haut en couleur, ça me rappelle des choses, personnellement. Je vais peut-être donner la parole à nos participants sur le thème, en fait, peut-être de plus général, de la boîte de nuit ou de la fête de début d'année mal commencée. Ça, c'est à vous de voir. Qui veut prendre la parole ? Astérix, c'est chaud pour commencer. Voilà, ben moi j'en ai beaucoup à dire sur ce sujet que je connais assez bien parce que j'ai en plus eu l'occasion de comparer l'ambiance des boîtes françaises avec l'ambiance des boîtes à l'étranger. Mais j'ai deux choses à dire par rapport à son message. Après, je parlerai de l'ambiance des boîtes, mais dans un premier temps, j'ai envie de parler de ce qui le choque le plus, à savoir l'argent que montrent tous ces nègres infâmes. Moi, j'en ai déjà parlé très souvent. C'est quelque chose dont on se rend pas très bien compte, à mon avis, parce que les blancs vivent la société devenant de plus en plus hostile et puis tout étant de plus en plus cher, les blancs finalement sortent assez peu. À certaines périodes, j'ai eu l'occasion d'aller, que ce soit au casino, que ce soit en boîte de nuit, qui sont deux endroits quand même qui coûtent cher. La boîte de nuit, quand on y va, c'est la bouteille, l'entrée, tout coûte très cher. Le casino, c'est un endroit où on claque du pognon. Et c'est deux endroits que j'ai vus dans lesquels moi, personnellement, je ne mets plus les pieds en France. Le casino encore de temps en temps, parce qu'il y a quelques casinos qui restent à peu près sains, quoi, où les videurs et les patrons, les pit boss, tout ça font leur boulot. Mais par contre, les boîtes de nuit, il n'y en a plus une seule qui vaille le coup. Et il faut bien comprendre qu'en fait, c'est même pas de l'antiracisme, c'est même pas du multiculturalisme. Les gens qui tiennent ces boîtes répondent simplement à la loi du marché. Et il faut comprendre que les capitaux ont basculé. Ça n'est plus toutes les familles. Regardez autour de vous les familles bourgeoises, elles sont en pleine déliquescence. Les enfants font moins de thunes que leurs parents. Et souvent, de toute façon, les bourgeois n'ont presque pas eu d'enfants. Donc les capitaux sont passés dans les mains des bougnoules et des nègres, aussi incroyable que ça puisse paraître, parce que même quand les blancs font du fric, ce sont des blancs qui font du fric en tant qu'agent immobilier, parce qu'il y a quelques secteurs où en tant que nègre et bougnoule, on a quand même du mal agents immobiliers, tout ça, il y a encore des blancs qui font du fric dans ces secteurs-là, l'assurance, tous ces secteurs-là. Eh ben, ces gens-là, tout ce qu'ils vont consommer, tout ce qui va, de toute façon, ils vont avoir besoin du bougnoul. Les bougnoul aujourd'hui, ils sont numéro un dans le fast-food avec les kebabs et tout ça. Ils ouvrent même des pizzerias aujourd'hui. Ils se déguisent en italien. Il s'appelle Giovanni, alors que avec sa pauvre tronche de Tunisien. Mais ils tiennent les pizzerias, les trucs, les fast-food. Ils se mettent à tenir quasiment toutes les stations essence. Ils se mettent à tenir évidemment tous les fours à chips. Toute la vente de drogue passe par leurs mains. Ce sont des énormes escrocs aussi. Ils escroquent de partout. En plus de ça, ils raflent toutes les aides de l'État. Donc, on a affaire en fait à une nouvelle bourgeoisie. Et donc, c'est ce qui est très grave, c'est que des gens sont obligés de céder à ces gens-là pour faire marcher leur business. Et c'est ça qui est très embêtant, en fait. C'est qu'on n'a même sûrement pas affaire à un patron de boîte qui a voulu orienter sa boîte vers ça. Il a simplement voulu la faire tourner. Et des gens qui claquent 1000 euros, 1500 euros en une soirée, vous êtes obligés de leur obéir. Quiconque a investi des billes sait que le principal, c'est quand même de rentabiliser, quoi. L'idéologie politique, il en a rien à foutre, tu vois. Lui, il a mis, quand tu sais ce que coûte une boîte de nuit, il faut rentabiliser, bah, basta, quoi. C'est des frais incroyables. Donc, c'est un investissement incroyable. Donc voilà, ça, c'est le premier truc sur lequel je voulais réagir. Et puis, deuxièmement, les boîtes en France, quoi. L'ambiance en France, de toute façon, la France est un pays pourri où il y a beaucoup trop de tensions. Les femmes françaises, l'auditeur a parlé en des termes peu charitables, j'en parlerai pas en des termes plus charitables. Les femmes françaises sont la lie de la féminité, sont la lie de la gente féminine. Elles sont incroyablement arrogantes par rapport à ce qu'elles sont. Elles sont d'un féminisme, même quand elles ne le sont pas politiquement, elles sont féministes, elles sont chiantes, elles sont chieuses, elles savent pas servir l'homme, elles ne prennent pas de plaisir de toute façon à rendre l'homme heureux. Il faut savoir que les femmes à travers le monde ont de la joie profonde à voir leur homme heureux, plein, enfin voilà, à combler leur homme, quoi, de joie. Je parle pas uniquement du cul, hein, on s'entend bien. Je parle de la vie, quoi, la vie au quotidien. Les femmes françaises, non, elles pensent qu'à leur gueule. Ce sont des petites putes égocentriques. Je sais pas qui les a éduquées, je sais pas ce qui les a rendues comme ça, mais en tout cas, on a affaire à une bande de tarés, quoi. Qui pètent systématiquement plus haut que leur cul. Et puis donc, oui, l'ambiance tendue dans les boîtes de nuit avec ces espèces de trous de balles qui se regardent tous les uns les autres. En fait, le français ne sait pas s'amuser. Mais moi, ça m'amène à un dernier petit détail. Après, je passe la parole aux autres. En fait, pour danser, pour s'amuser, pour être comme ça dans un grand groupe et faire preuve un peu de laisser-aller, il faut en fait avoir déjà avoir confiance en son prochain, ce qu'on n'a plus du tout en France, et avoir ne pas être dans l'hyper cérébralité française à toujours se questionner. Il faut être à un moment donné simple, spontané. Et le français est l'être le moins spontané qui se trouve, je pense, j'espère, sur Terre pour les autres continents, mais en tout cas en Europe, je le signe dès demain. Il n'y a pas moins spontané qu'un Français. On est sans arrêt en train de se poser des questions, on est sans arrêt en train de faire tourner les ménages, mais pas dans le bon sens, si vous voulez, parce que si on faisait tourner les ménages dans le bon sens, on n'aurait pas élu à une pédale comme Macron. Non, on fait tourner les ménages comme des gonzesses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il me regarde, ce truc qu'ont les petites fiottes et qu'ont les femmes, en fait, de toujours se questionner sur le regard qu'autrui porte sur nous. Et un homme normal, en fait, il en a rien à branler. Un homme normal, il est avec ses potes, il est au bistrot, s'il a envie de rigoler, il rigole, s'il a envie de danser, il danse. Et la France n'est plus du tout comme ça, déjà parce qu'à mon avis, il n'y a plus de groupe de vrais amis, on est devenus plus que des bandes de fiottes qui nous comportons les uns avec les autres quasiment comme des gonzesses. Et ensuite, parce que l'ambiance est trop tendue. Enfin bref, pour toutes les raisons de toute façon qu'il a énoncées, ne plus en mettre les pieds en boîte de nuit me semble être une résolution sage pour 2019, pour tous les auditeurs et pour tous les gens ici. On n'y rencontre que des putes, parce qu'il ne faut pas se leurrer, pourquoi on va en boîte danser, c'est bien beau, mais on peut danser chez soi si vraiment on est fan de la danse. Donc la boîte de nuit est un endroit pour rencontrer des femmes. Et alors encore, dernier petit truc, les pères de famille qui laissent leurs filles aller en boîte de nuit, les maris qui laissent leurs filles, leurs femmes aller en boîte de nuit entre compines. Pour les maris, ce sont des keuks. Pour les pères de famille, ce sont des crétins qui vont trouver leur fille avec un gros nègre un jour ou l'autre. Faut pas se leurrer. Bon, désolé, c'est un peu long. Mais... Ah non, c'est bien. MacDav voulait aussi parler. Oui, moi, il y a, on dirait une dizaine d'années, il m'arrivait d'aller en boîte assez fréquemment. Donc, j'avais une vingtaine, je commençais à travailler. Et puis, effectivement, comme Astel a très bien dit, tu vas pas en boîte, quand t'es un homme, tu vas pas en boîte pour la musique. Hein. Tu vas en boîte pour faire des rencontres et pour, comme on dit, choper des gonzesses. Tu vas pas pour autre chose. Surtout quand tu y vas entre copains et méchés. Alors, moi j'ai connu une boîte qui est un petit peu connue dans l'Est. Je crois que c'est la plus grosse boîte de l'Est de la France. Qui a défrayé la chronique. On en a notamment parlé... assez souvent sur Hebdo de Souche, sur pas mal de sites nationalistes, puisqu'elle a fermé pour racisme. En fait, et c'est marrant parce que je connaissais un peu les mecs qui la géraient à l'époque, il y avait beaucoup de mecs des îles, des Wallisiens, et des mecs de Wallis et Futuna, des Kanaks, qui faisaient la sécurité, et c'était une évidence que la boîte devait être gérée en fonction des arrivées ethniques. Est-ce que tu savais que tel groupe de bougnoul arrivait à peu près à telle heure, que tel groupe de nègres pouvait arriver à telle heure, tu devais quand même faire des quotas, parce que ça pouvait très très facilement partir en vrille. Et donc la boîte a fermé, parce que, évidemment, SOS Racisme et les ligues de vertu antiracistes sont arrivées, et puis... ils ont fait un procès à la boîte, je crois que la boîte a fermé pendant je ne sais combien de temps. Et depuis, c'est le merdier. Je n'ai jamais refoutu les pieds, mais ce que me disent les deux amis, c'est exactement ce que j'entends, c'est totalement négrifié. Mais à 100%, c'est pas on respecte des quotas ethniques avec 30% de musique blanche. Non, non. Du début à la fin, tu as de la musique de nègre, tu as un public de nègre, et évidemment, c'est devenu des soirées en brouille. Donc les blancs ne foutaient pas les pieds dans les boîtes de nuit. La boîte à papa, il y a 30 ans, c'était une chose. Les boîtes qu'on pouvait trouver, les boîtes de province, je parle, qu'on pouvait trouver il y a encore 10-15 ans, c'était encore autre chose. C'était pas propre. Hein. Moi, j'ai vu des... Vu que je faisais un peu de musique, j'ai vu des boîtes de nuit le jour. Vous voyez une boîte de nuit le jour, toute lumière allumée, et vous la voyez plus de la même façon la nuit, parce que c'est dégueulasse, c'est vraiment crade. Il n'y a rien de plus crade qu'une boîte de nuit. Pour que la jeunesse s'amuse, commette des excès, parce que les excès sont propres à la jeunesse, sans jeunesse pas d'excès, mais et sans excès pas de jeunesse, mais les blancs n'allaient plus dans les boîtes à nègres. Vous voyez un nègre, même qui tient l'entrée, vous n'allez pas dans cette boîte, vous allez ailleurs, vous allez dans un pub. Vous allez chez votre copain, vous faites ce que vous voulez, mais n'allez plus dans les boîtes à bougnoul et à nègre. Alexis voulait prendre la parole. Oui, bah, je suis allé pour, aussi en boîte de nuit pour le 31, c'est personne n'est parfait, donc ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé, mais c'est, la soirée s'est organisée comme ça, donc je pourrais m'y opposer. Déjà, à l'entrée... Même physiquement donc... T'as pas pu t'opposer physiquement à la décision, non? Non, je n'ai pas fait opposition virile de mon corps, comme dirait l'autre, mais quand on s'approche des boîtes de nuit, là, quand on veut rentrer dans les boîtes, même qui se veulent un peu select et tout, vous avez des vigiles, vous savez pas s'ils viennent du Cameroun ou je sais pas quoi, mais c'est eux qui décident si vous êtes élégant ou pas, c'est eux qui décident si vous avez bu un verre de trop ou pas, alors que bon, il s'est rien passé, il n'y a pas eu de débordement, donc c'est un petit peu agaçant faire régner l'ordre, hein, enfin ce qui en tient lieu, hein, soit que ce soit à l'entrée ou que ce soit après dans la boîte de nuit. Bon, après évidemment il y a tout le coup, mais bon le courrier de l'auditeur parle bien de ça, c'est-à-dire ça coûte très cher, acheter une bouteille en boîte de nuit c'est 100 euros, je sais pas quoi. Donc effectivement, pour toutes ces raisons, vous allez perdre votre temps, vous allez vous peut-être prendre une droite qui va vous faire perdre deux dents, personne ne vous défendra. Donc faites plutôt une soirée entre les copains ou alors un bon pub, à la rigueur une pinte au pub et puis voilà. Alors, moi j'ai une solide expérience en boîte de nuit, quand même, je dois bien le dire. Je confesse mes péchés. Je dois dire que j'ai régulièrement fini dans des bastons de boîte de nuit. Parfois certaines assez sévères aussi, je dois le dire aussi. Mais je pense. Alors, il y a un phénomène très marqué sur ces 30 dernières années, c'est d'abord la réduction massive, drastique, hein, du nombre de boîtes de nuit. Plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on est passé à plus de 4000, à quelque chose comme 1700 aujourd'hui. Donc c'est une division pratiquement par 3 du nombre de boîtes de nuit. C'est un phénomène aussi que connaissent ce qu'on appelait jadis les estaminets, donc les bars. Donc ça, c'est une tendance de fond. Je crois, pour une raison assez simple, premièrement, assez technologique, c'est que pour rencontrer les copains, il n'y a plus besoin d'avoir un point de rendez-vous. Prenez votre téléphone, Facebook, peu importe, enfin, WhatsApp, hein, c'est peu importe, et vous dites voilà, t'es où, tu fais quoi, je suis là, on se retrouve à quelle heure, ouais, t'es avec qui, machin, bon. Et en fait, les uns se retrouvent les uns chez les autres, et en fait, quand les gens veulent vraiment sortir pour rencontrer du monde, voilà, quand il y a de la foule, faut qu'il y ait un événement, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un concert, faut qu'il y ait peut-être un feu d'artifice, je ne sais pas. Ou alors un événement l'été, enfin bref. Mais vraiment, pour aller dans un endroit, un lieu, comme un bar, il faut que le bar ait vraiment des qualités intrinsèques, quoi. Ça peut être la bière, bon, par exemple. Pareil pour une boîte de nuit. C'est-à-dire que si on va en boîte de nuit aujourd'hui, je pense que, enfin, la raison d'être de la boîte de nuit n'a pas tellement disparu, mais par contre, il y a toute une série de fonctions de la boîte de nuit qui se sont clairement effacées. Alors, je crois que si des gens veulent vraiment aller en boîte de nuit, il faudra de la musique de qualité. C'est-à-dire que vous allez entendre de la musique que vous n'entendrez probablement pas ailleurs, par exemple, ou comment dirais-je, un lieu où il fait bon danser, où il fait bon rencontrer des gens, parce que l'endroit s'y prête. Donc il y a de l'hygiène, les consommations sont bonnes, le cadre est sympa, et la musique est bonne. Or, qu'est-ce que vous constatez? C'est qu'en fait, comme ça a été bien dit avant, hein, c'est que les boîtes de nuit, c'était souvent fait de briquet de broc, par des gens qui se sont en fait, beaucoup de gens qui se sont lancés, qui ont créé les boîtes de nuit dans les années 70-80, bon, il y en avait avant, hein. En fait, ont simplement reconverti des bars en bars de nuit. En fait, c'est des bars de nuit plus plus, quoi. C'est des bars de nuit avec une piste de danse. Et on ne se posait pas trop de questions. Sauf qu'aujourd'hui, dans le secteur est clairement très très très compétitif. Là maintenant, il faut vraiment tirer vers la qualité. Or, évidemment, si vous tirez vers la qualité, il va falloir du capital, il va falloir aussi une politique de clientèle. Et là, ça se heurte. D'abord aux régulations drastiques de l'État, de plus en plus. Je veux dire, dans un État en France où vous pouvez plus fumer, vous pouvez plus boire. Bon, bah, et en plus, vous pouvez même plus draguer les filles, parce que maintenant, on va avoir une police des braguettes. Parce que, avec des gens comme Marlène Schiappa, c'est quand même sérieusement compromis. Bon, il y a toute une culture qui fait que c'est pas très porteur. Et puis, en plus, il faut des capitaux considérables. Je veux dire, pour avoir une boîte de nuit qui a de la gueule, qui est une clientèle qui peut être, je dirais peut-être pas intéressante, mais qui n'est pas, comme l'a bien dit l'auditeur, oppressante de par sa présence. Bon, vous allez devoir faire du tri. Or, si vous faites du tri, vous avez la police politique antiraciste, hein, qui va faire du testing, comme ils appellent ça, parce qu'ils veulent absolument. C'est ça l'antiracisme. Hein. Je veux dire, SOS Racisme, ils se sont reconvertis là-dedans, dans le testing à l'entrée des boîtes de nuit. Ça, c'est très très connu, ça. Les Juifs adorent ça. C'est-à-dire qu'ils veulent vous C'est-à-dire pourrir la la police vie. hébraïque, quoi. Voilà, la police hébraïque veut vous pourrir jusque dans vos soirées. Alors évidemment, les Juifs, dans leur boîte de nuit ultra sécurisée, il n'y aura jamais un arabe avec une barre trop longue qui va rentrer. On est bien d'accord. Mais pour le petit blanc de la classe moyenne, il est hors de question qu'il ait son petit moment à lui, entre blancs, avec des nanas pas, enfin, je veux dire, un petit peu jolies, quoi, qui dansent autour, dans un cadre sympa, reposant, simplement, voilà, pour s'oublier un peu. Non, ça, faites une croix dessus, vous aurez votre quota de bougnoules et de nègres. D'abord parce que les Juifs en ont décidé ainsi, et ensuite parce que la démographie évolue, hein, pour parler par euphémisme. Et puis enfin, il y a peut-être un problème aussi, plus, enfin toujours lié à la technologie, c'est ce que ça rejoint ce que disait Astérix, c'est des applications maintenant de rencontres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des trucs comme Tinder et autres qui vous permettent en fait de très très très vite aller à l'essentiel, sans même avoir ce test, vous savez, le test un petit peu de l'audace hein, pour les jeunes hommes, hein, d'aller vers des femmes, c'est pas forcément toujours évident quand on est jeune, d'avoir un petit peu le, je veux dire, je sais pas quoi, la... le savoir-faire, quoi, pour aller approcher les filles. Et bah, par Internet, excusez-moi, ça va un peu plus vite, quoi. Hein. Voilà, profil, âge, profession, enfin, en tout cas, de ce qu'on en dit, photo, bon, échange un petit peu par écrit, et puis très très vite, rendez-vous à un bar, un rond-point, ou que sais-je. Et puis le courant, il passe ou il passe pas, quoi. En boîte de nuit, vous n'avez pas tout ça. En boîte de nuit, c'est tout à l'audace, c'est tout au feeling, il faut voir, regarder, bon... Et bon, les gens, ils sont, enfin, les jeunes ne sont plus intéressés par ça parce qu'ils ont d'autres alternatives. Donc, quand vous faites quand vous calculez tout ça, c'est vrai que vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Mais bon, en outre, alors là, et là, j'aimerais finir là-dessus, je donnerai la parole à qui voudra. En France, hein, les boîtes de nuit, c'est juste pas possible au niveau musical. Alors. Voilà, ça c'est sûr. Il y a des boîtes de nuit, je présume, où les établissements essayent encore de faire un effort en termes de programmation. Mais c'est de la musique de nègre partout. À un moment donné, et ça c'est français, quoi. C'est français. Vous ne retrouvez pas ça dans les autres pays. Je dis pas qu'il y a jamais de musique de nègre dans d'autres pays, mais l'électro en France... Je t'interromps très rapidement. Vas-y. L'électro house prédomine dans tous les pays, sauf en France. La France est le seul pays où les boîtes mettent majoritairement du rap et du R&B, c'est-à-dire des musiques de non-blancs. Les blancs ne savent pas bouger sur ces rythmiques-là. La rythmique très très binaire de l'électro house, et souvent avec les petites sonorités très très spatiales, vous savez, très robotiques et tout, ça parle aux blancs. C'est technologique, même si la rythmique en elle-même vient d'Afrique, hein, faut pas se tromper. La rythmique binaire de l'électro house, c'est de la rythmique 100% africaine, mais adapté aux blancs dans le sens où les sonorités qu'il y a derrière, les petites mélodies qui sont posées dessus, enfin tout est adapté pour que le blanc qui n'est pas profondément danseur, qui n'a pas ce truc de macaque, voilà. Enfin bref, ouais. C'est-à-dire que les boîtes en France, tu as, comme l'a dit l'auditeur, un magic system. Ouais, voilà, tu as du rap, du R&B, des trucs de nègres qui hurlent. Et puis tu as carrément au bout du bout, tu as Magic System, quoi. T'as ouais. Vraiment directement la production africaine locale. Hein. Mais c'est scandaleux, Ouais, moi, je me suis retrouvé dans des boîtes de nuit, j'avais envie de. Ah ben il faut. Oui. Bah je compensais après dans la bagnole avec d'autres types de musique, je vous cache pas. Hein. Donc mais c'est insupportable et comment dirais-je, et c'est pas du tout isolé. Et moi je trouve que c'est scandaleux, quoi. Après c'est vrai que pour les jeunes européens, si tu veux, là où tu trouves de la musique un peu correcte, mais bah, c'est quand même assez formaté, c'est dans les bars plus classiques, quoi, hein. Les bars, oui, qui sont ouverts tard, oui. C'est relativement blanc, hein, comme les pubs, c'est bien, les pubs, ouais, les pubs plus bien. Tu as quelques nègres qui viennent se perdre là, mais bon, en général, ils sonnent pas trop et puis ils restent bah calmes, quoi. Bah oui, parce qu'il faut discuter. Étant donné qu'il faut discuter, la cérébralité des blancs dans les pubs est mise en valeur, alors que dans les boîtes de nuit, c'est le macaque nègre, surtout quand on lui met des musiques qu'il adore et que les blancs détestent, c'est le macaque nègre qui est mis en valeur et c'est le macaque nègre, ouais, qui va tout choper. Hein. Non, ouais, tu te trouves un pub où on écoute du rock, voilà, du hard rock, et tu vas te rendre compte que l'ambiance est radicalement différente, peu importe l'orientation politique du patron ou du public. Bien sûr. Et en général, tu as même des groupes qui sont là en live. Enfin bon, moi c'est le genre d'ambiance que j'aime bien, quoi. Et comment dire, oui, c'est ce que tu disais, Astérix, c'est très vrai. C'est-à-dire que dans les boîtes de nuit, tu n'entends rien. Tu es dans un monde où la parole n'existe plus, quoi. Hein. C'est un autre monde. C'est particulier. Ah, j'ai vécu alors dans une boîte. Je ne vais même pas donner le nom de la boîte, mais alors, une expérience raciale assez extraordinaire à plusieurs reprises, puisque c'était la même, évidemment. Donc les conditions étaient toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, la boîte avait plusieurs salles avec plusieurs ambiances, n'est-ce pas? Alors, il y avait donc différents types de musique. Vous avez la musique mainstream dans la boîte, dans la salle principale. Bon, quand on dit mainstream, c'est genre les trucs pop du moment, quoi. Voilà. Bon, rien. Alors, du coup, moins de musique africaine quand même, hein, je veux dire. C'est pas des nègres en mode tu vois, bon, non, il n'y a pas de ça. C'est de la pop, bon, les trucs. Mais il y avait une salle, ambiance, comment dirais-je, je sais plus comment c'était présenté, c'était genre ambiance rasta anti, d'accord. Voilà. Ouais. Donc il y avait une salle spécifique, hein, c'était vraiment une salle spécifique, ambiance rasta. Alors, c'est caricatural. C'était donc, rempli de blanche, non? Alors, c'est... Non, pas tellement, mais je vais vous expliquer. C'est-à-dire que tu rentres et tout d'un coup, il n'y a plus que des... Il fait nuit noire. C'est-à-dire que donc tu sors, il y a la grande salle, elle est pleine de blanc et tout, machin. Tu passes le petit couloir, ça dure, je sais pas, 3-4 mètres. Ambiance Rastafari, machin truc. Que des nègres. Que des nègres. Et puis, 1, 2, 3, 4 points blancs, donc des putains nègres, d'accord. Mais... C'est juste pour dire à quel point, si vous voulez, les neuneux gauchistes qui prétendent que les déterminismes raciaux n'existent pas, y compris dans la musique, sont juste des idiots, enfin sont simplement des abrutis. Parce qu'il n'y avait aucun panneau qui indiquait aux nègres qu'ils avaient obligation d'aller écouter de la musique de nègres, par évidence. Hein ? Ils pouvaient parfaitement aller se mêler aux blancs, écouter la musique... qui circulait et qui n'était pas une musique, excusez-moi, suprématie. C'était vraiment la musique que vous pouviez écouter sur toutes les grandes chaînes de radio françaises du moment, vous voyez. Mais ça se fait naturellement. Donc vous mettez des rythmes de nègre, le nègre, mais comme un insecte, quoi. Il va vers ça. Point barre. Et alors, ils étaient tous agrippés les uns les autres. Et en fait, il y avait très peu de femmes, il y avait très peu de négresses, en fait. Il y avait très très peu de négresses. Il n'y avait pas beaucoup de négresses, hein. Il y avait surtout beaucoup de négrillons, alors qu'ils se retrouvaient du coup dans une situation assez problématique. C'est-à-dire qu'en fait, ils allaient dans la salle à nègres où il y avait de la musique de nègres, mais paradoxalement, il y avait quand même globalement très très très très peu de blanches, donc très peu de putes à nègres. Donc il y avait quand même une grosse misère sexuelle, mais l'idée d'aller zoner dans la salle où il y avait de la musique plutôt pop blanche ne leur effleurait pas ce qui leur servait de cerveau. Donc c'est assez cocasse. Mais alors, c'est... Enfin, c'est moi, j'avais l'impression de vivre c'est un piège à moustique, le truc, c'est génial. Bah, j'avais l'impression de vivre dans l'Amérique de la ségrégation. Enfin, c'était vraiment... c'est sympa, hein, comme ambiance. Hein. C'est sympa, hein. Non, moi, je me baladais au milieu des nègres, etc. Je faisais le malin, un peu, quoi. Et, Ah, ouais, voilà. Ah, nazisme en bamboulière, obligatoire. Ma langue a fourché, j'ai dit... Ma nazisme en bamboulière, vous aurez remarqué. Qui veut rajouter quelque chose sur cette histoire de boîte de nuit? Pas particulièrement ? D'accord. Rubrique suivante, les amis. On remercie notre auditeur pour ce témoignage. Bon, on lui souhaite quand même un nouvel an, la prochaine, comme de 2019-2020, meilleur, hein, quand même. Oui, moins coloré. Moins nègre. Ouais, moins coloré. Restez chez vous. Organisez-vous avec vos amis. Oh, la prochaine fois, tu restes avec tes potes et puis... Voilà, quoi, vous allez chercher des bons produits dans votre région et vous faites ça entre blancs. Et finalement, ça va être beaucoup plus sympathique qu'avec des putains de nègres et des négrillons. Clairement. Mais oui, il n'y a pas besoin. Si vous connaissez un bar sympa, vous connaissez le patron, l'ambiance est bonne, il n'y a que des blancs. Voilà, allez dans un truc comme ça. Voilà. Bon, courrier numéro 2, les amis. Bonjour et bonne année. Je suis en train d'écouter votre émission de la semaine. J'en suis toujours à la première partie. Formidable. Je n'invente pas les compliments, hein, vraiment. Si certains ont des doutes, non, c'est les gens les écrivent. J'en profite pour faire un petit rapport de terrain pour agrémenter vos infos. Je me suis retrouvé un peu malgré moi sur les Champs-Élysées le samedi 29. J'avais auparavant fait un tour autour de la Concorde, Madeleine, et tenté d'approcher de la backroom officielle de Macron, barricadée. Donc, comprendre l'Élysée. Hein. Petite anecdote, j'ai vu un bougnoul gitaneux en Mercedes, insulter une voiture de gilets jaunes et s'arrêter au milieu de la place de la Madeleine pour tenter de créer une bagarre. Les blancs ne sont pas descendus et finalement le singe est parti. Ce que j'ai vu, c'est que pas loin de 50% des CRS étaient des non-blancs. Et le plus étonnant, c'est que le ratio était encore plus important chez les gendarmes mobiles. Je n'ai pas cherché à m'approcher des événements de trop près, car les PRS, les putes républicaines de sécurité, fouillaient les gens. En repartant, un CRS bougnoul cagoulé d'un barrage d'une rue adjacente a tenté de me provoquer en me regardant fixement et intensément comme une vulgaire racaille de RER. J'ai ensuite vu des flics blancs avenue Georges V qui étaient regroupés avant de monter à l'assaut. Il fallait voir le zèle qu'ils mettaient à se motiver et s'organiser. C'est vrai qu'on n'était pas loin de l'avenue d'Iéna, ça donne un peu d'énergie guerrière. Quand je continuais mon chemin, deux grands et gros nègres m'ont demandé avec un accent américain où étaient les gilets jaunes. Les gilets jaunes sur l'Elysée, c'est Disneyland, donc c'est une attraction touristique même pour les nègres américains. Merci pour tout encore. Alors, comment dirais-je le cœur du message de notre auditeur, qu'on remercie pour ce courrier, c'est la mélanisation, la négrification en fait de la milice du régime. Hein, c'est ça. Hein. Moi, j'ignorais totalement ces chiffres-là. Alors, il parle évidemment des unités auxquelles il a eu affaire. Hein, c'est pas une vérité universelle sur les 25 000 forces anti-émeutes. Quelle est la proportion de métèques, c'est difficile à évaluer. Mais en tout cas, sur ce qu'il a vu sur Paris, et c'est probablement à dessein, une très forte proportion de basanés. Derek, peut-être quelque chose à dire ? Oui, bah la fiotte arrogante veut remettre de l'ordre, donc qui sont les plus à même de taper sur les gens ? Les métèques, hein, ça coule de source. Donc c'est normal, hein, que tu es l'armée des mercenaires. Les mercenaires mettent toujours plus de cœur à l'ouvrage quand il s'agit de taper sur les gens. Qui d'autre sur cette activité CRS et cette nouvelle composition ethnique de, excusez-moi, nos compatriotes qui veillent sur la République ? Quelqu'un veut prendre la parole ? Oui. Bah, écoute, moi ça m'étonne pas, puisque finalement, même si moi je trouve personnellement le métier assez peu attractif, les salaires sont pas si mauvais que ça. Hein. Ça paye bien. Bah ouais, enfin, tu sais, les mecs se font quoi, 1800 euros en début de carrière. Il y a plein de primes. Ouais, avec les primes, ils doivent taper bien au-delà de 2000. Pour un nègre qui a juste un bac donné par l'éducation nationale, c'est quand même. Enfin, excuse-moi. CRS, c'est niveau bac maintenant ? Niveau bac, CRS ? Ouais, mais bon, le bac, c'est un donné. Enfin, le bac, on parle désormais du bac tous. Ah ouais, oui, le bac pour tous. Non mais le bac, ça ne vaut absolument rien. Surtout dans les académies de la République. Hein. Ça me fait vibrer ça quand tu dis ça. Ouais, enfin les voix type les académies Créteil et compagnie, quoi. Donc nous, y a rien d'étonnant, tu vois, tu files des calories, comme dirait philosophe portugais. Le sosie de dans l'évier, hein. Bah forcément les nègres refluent. Et puis bon, 2000 euros pour porter un bouclier et te faire tabasser, hein, pour dire oui monsieur. Allez, attends, oui. Oula, les primes. Hein. Attends, les CRS sont quand même d'abord et avant tout beaucoup plus payés pour taper que pour se faire taper. Hein. Faut pas l'oublier quand même. Ouais, bon, ils doivent quand même bien obéir. Hein. On leur dit vous allez là, hein, ensuite vous allez là. Oui, hein. Mais certainement, bien sûr. Ah mais non, ça fait pas l'ombre d'un doute, ça. Je veux dire, le ratio entre les coups qu'ils donnent et les coups qu'ils reçoivent, à mon avis, bon, je peux me tromper, hein, mais surtout la lourdeur des coups. Mais ça dépend de qui est en phase 2. Si en phase 2, il y a des nègres et des arabes, là, ils ont le droit de se... Enfin, ils doivent se prendre quand même quelques coups, quoi. Quelques coups doivent leur être rendus. Par contre, quand c'est la manif pour tous, alors là, c'est... totalement tous les coups du côté des CRS, et puis quand c'est les gilets jaunes, c'est heureusement zéro. Les gilets jaunes ont un peu de burn, donc parfois ils arrivent à rendre un coup sur 100, quoi. C'est ça, et c'est scandaleux, hein, ils rendent quand même un coup, rendez-vous compte. On va en reparler dans la deuxième partie, mais comment dire, non, mais cette évolution de du recrutement dans la gendarmerie nationale et dans la police nationale est révélatrice d'une décision, d'une politique. Et attention, c'est pas le fruit du hasard. Il s'agit bien évidemment d'éponger un petit peu de ce qui peut suppurer depuis les enclaves raciales que sont les banlieues françaises, qu'on appelle les banlieues françaises. Donc d'essayer de donner un petit peu un os à ronger à cette faune. Deuxièmement, pour eux, ils sont payés par un régime cosmopolite en tant que métèque pour taper sur les autochtones, les indigènes. C'est ça, aujourd'hui, la fonction de la police anti-émeute. Ne vous trompez Bien pas. Sûr. Voilà, bon, c'est clair, c'est ça. Bah, tu vois, de la même façon que la République radicale, la République franc-maçonne du début du siècle précédent, du début du XXe siècle, a bien compris qu'il fallait éviter d'envoyer un régiment local taper sur les vignerons en 1907, ils l'ont compris très très vite. Hein, puisque après, faut pas oublier que c'est la gauche qui a fait tirer sur les populations locales ouvrières. Faut jamais l'oublier. Sur les mineurs aussi, ils ont tiré, je crois. Ouais, sur les mineurs, à Fourmis, enfin, la France regorge de ce genre d'incidents. Là, la République, elle est prête à envoyer les banlieues formées, casquées, avec un uniforme sur les blancs. Est-ce qu'on envoie des blancs nazis dans les banlieues? Telle est la question. Nazis, non, mais un peu de flics frontistes, c'est ça. Mais de toute façon, c'est tellement infinitésimal, puisqu'on a vu, parce que ça, il faut le marteler, avec l'épisode Teoluaca, la doctrine vis-à-vis des enclaves raciales en France, c'est vous dites rien, vous prenez les coups, vous vous écrasez. C'est justement ça, enfin, l'utilité de ces manifestations des Gilets jaunes, c'est qu'on voit clairement que le blanc qui travaille et qui paie des impôts, lui, il va se faire matraquer. Et en fait, je l'ai dit, je crois, dans la dernière mission, si c'était pas celle-là, c'était celle d'avant, c'est que la moindre marque de virilité de l'homme blanc, de toute façon, est de facto un crime contre le régime judéo-républicain. Je veux dire, un homme blanc ne peut pas être viril en France. C'est interdit. Puisque l'être qu'est l'homme blanc, hétérosexuel, doit disparaître. C'est le projet. D'accord ? Donc lui, s'il fait preuve de virilité, il sera de toute façon attaqué par toutes ces masses de parasites. C'est-à-dire la presse juive, les journalistes juifs vont sauter les pourris de cette République qui sont accrochés comme des poux en grappe au pouvoir. Les métèques qui sentent que c'est mi-figue, mi-raisin, vous voyez ? Donc tous ces gens-là vont sentir le danger. Il y a d'instinct, vous voyez. Donc ils vont criminaliser ce phénomène-là. C'est-à-dire que si jamais vous voyez des blancs, des gilets jaunes, virils, blancs, des hommes blancs, se défendre contre ces flics, ils seront attaqués. Ils seront attaqués. Donc eux, ils n'ont pas le droit à ça. Comment dire, moi j'attends le moment hein, où ils vont nous foutre des CRS noirs, enfin tout ce qu'ils auront pu rassembler là, et où ils crieront au crime raciste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un blanc se défendra contre un CRS, ce sera un crime, qui sera symptomatique du racisme systémique en France. C'est-à-dire que quand un petit blanc de la classe ouvrière se défendra contre la police du régime, ça sera la preuve que le régime est oppressé par le petit blanc qui se fait saigner à coups d'impôts, quoi. Voilà. Astérix. Non, moi je voulais juste dire que quand tu disais que le blanc n'a pas le droit de se défendre, il n'a même pas le droit de se mettre en boule, quoi. Se mettre en boule est déjà de l'antisémitisme, je trouve, dans cet acte. Oui, c'est ça, il doit disparaître en silence. Il doit disparaître en silence. Vous comprenez ? C'est pour vous dire ce qui est en train de se passer en France, parce qu'il faut quand même s'y arrêter un petit instant. Bon, je déborde un peu parce que bon, là on parle CRS, etc., mais c'est lié au gilet jaune et on va parler du boxeur. Mais en gros, si vous voulez, ce que le système dit à des dizaines de millions de gens, quand même, hein, il faut pas perdre ça de vue, hein, parce que là, quand on parle à des hommes hétérosexuels blancs, on parle quand même à un sacré paquet de monde en France. Et le message qu'on leur envoie, ce que le gouvernement leur envoie, hein, et la presse juive leur envoie, c'est de dire, vous avez vocation à disparaître. On peut discuter de l'échéancier, si vous voulez, hein, des modalités, on peut en parler. Mais la finalité, c'est ça. Donc, vous n'avez que le droit de disparaître en silence. C'est ça, en fait. Hein. C'est un programme d'éradication. C'est tout ce que dit en fait cette presse. Et c'est les messages subliminaux qui sont envoyés en permanence. Donc le moindre signe de révolte du blanc, qui est pas un nazi en puissance, je veux dire simplement le réflexe de survie, quoi, l'instinct de survie, il est criminalisé. Et ça se voit beaucoup dans le rapport qu'ont les forces de l'ordre avec les blancs. On voit bien, on le voit. Personne ne peut oser contester cette réalité un instant. On voit bien que l'attitude des forces de l'ordre vis-à-vis des travailleurs français de souche qui protestent sur la question de leur qualité, enfin oui, qualité de vie bien sûr, mais aussi de leur revenu, enfin des questions d'ordre social et économique, ne sont pas du tout traitées par le pouvoir de la même façon que lorsqu'il y a des émeutes raciales. Un peu partout, on en a parlé quand il y a eu à Nantes des émeutes raciales, quand il y a un dealer nègre qui s'est fait abattre dans des circonstances, on ne sait plus quoi, enfin en tout cas c'est pas un meurtre de la police, enfin simplement voilà, il y avait eu toute une embrouille, il y a eu des émeutes pendant des jours et des jours, mais on a vu la mairesse de Nantes, comment dirais-je, se précipiter dans les quartiers à nègres, discuter avec des négresses en boubou, savoir si, comment dirais-je, leur... Enfin, si c'était pas trop affecté par la situation, on avait quand même tué un tueur nègre, on avait tué un dealer nègre venant de banlieue parisienne à Nantes, c'était quand même scandaleux. Donc la mairesse de Nantes, socialiste de son état, se souciait beaucoup du bien-être psychologique de cette faune. En revanche, quand des blancs manifestent, là sur des questions très sérieuses, c'est-à-dire je bosse, je paye des impôts, ce que je reçois en retour n'est pas acceptable. Bon, alors là tout d'un coup. Non, là il faut être dur, il faut être autoritaire. Tout ce discours, c'est un discours. Moi je vois ça aussi. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais on voit bien que le discours sécuritaire, autoritaire, répressif, qui n'est pas toléré lorsqu'on parle de nègres et d'arabes, qui sont objectivement des fouteurs de merde, devient tout d'un coup très à la mode dans des catégories de la population qui sont à gauche. Hein, mais pas, ils votent pas Mélenchon, ceux-là, hein. Ils votent Macron, un peu l'aile droite du PS, vous voyez, cette faune-là, centre-gauche, quoi, vous voyez, quoi, ils sont cosmopolites, mais ils gagnent du blé. Voilà, les ouais, bobos, machin, enfin, tous les mecs qui ont gobé toutes les conneries de l'antifascisme et tout. Et là, vous voyez, tout d'un coup, ils aiment bien le bâton des flics. Et le truc qui est caricatural, c'est avec les juifs, quoi. C'est-à-dire que en France, on est maintenant, aujourd'hui, au moment où je parle, on a tous les juifs de mai 68 qui chantent les louanges des CRS. Mais tous, c'est une chorale juive. C'est impressionnant. C'est magnifique. C'est impressionnant. Je trouve ça beau, je trouve ça poétique. Alors je suppose que ça les aide, psychologiquement, tous ces youpins, effectivement, de voir qu'il y a de plus en plus de bronzés dans leur garde prétorienne. Bon, ils sont peut-être plus à l'aise, effectivement. Quelqu'un d'autre là-dessus ou j'enchaîne. Autisme radical, rubrique numéro 2, les amis, pour pas changer, on est toujours sur la thématique de la mélanisation, la thématique aussi du niveau culturel, impulsé par ce régime, hein, oui. faut bien le qualifier. Oui, on peut dire les juifs. Hein. Oui, les juifs, oui. Alors voici, c'est l'Eurovision, vous le savez, nous habitués à du très très bon. La France va faire mieux que la chanson pro-migrant du millésime 2018. Mieux. Et c'est Bilal Hassani qui va y contribuer. Et il va représenter la France, parce que c'est un Français, pour commencer. Oui. C'est Télestar qui nous en parle, révélé par The Voice Kids en 2014. Bilal Hassani est de retour en étant candidat de la nouvelle édition de Destination Eurovision sur France 2. Son clip, Roi, révélé sur YouTube et iTunes vendredi 4 janvier, cartonne. D'ailleurs, oui, ça doit être probablement vrai d'ailleurs, effectivement, il y a quand même une sacrée couche de dégénérés en France. Son parcours peut surprendre. Candidat rapidement éliminé de The Voice Kids en 2015, Bilal Hassani est depuis devenu un visage incontournable des réseaux sociaux. En quelques mois, le jeune adolescent s'est fait une place parmi les nouveaux influenceurs français, suivi par 250 000 personnes sur Instagram et 670 000 personnes sur YouTube. Candidat pour représenter l'Eurovision sur France 2, Bilal Hassani réalise déjà donc un véritable carton. Sur les réseaux sociaux, le clip Roi de Bilal a fait l'unanimité. Le jeune vidéaste qui a récemment réalisé son rêve en rencontrant Mariah Carey semble déjà avoir toutes les cartes en main pour remporter la compétition. Souvent comparé à Conchita Wurst, dit donc Je parle sous le contrôle Alexis, Conchita, oui, la saucisse. La saucisse, c'est la saucisse. La saucisse. La saucisse. En raison de sa personnalité atypique, oui, c'est un transsexuel, hein, c'est un homme déguisé en femme, donc, un travelo. Conchita veut dire la petite moule en espagnol aussi, donc c'est la petite moule saucisse. Oh là là. La petite moule saucisse, qui est un travelo, voilà, donc qui a remporté l'Eurovision. En sachant qu'il a le sida, faut pas oublier, Conchita Wurst a le sida aussi, si vous le saviez pas. Ouais. Je raconte pas de conneries. C'est un sida. Voilà, il a le sida. C'est quoi à la base? C'est une femme à bite ou une, je sais pas. Un homme à chatte? Oula, faut pas, c'est pas du tout. Mais il y a un truc comme ça, ouais. Donc Bilal Hassani aime à redire qu'il s'est fait connaître grâce à The Voice Kids en réinterprétant Rise Like a Phoenix. C'était un moment iconique pour moi, et si l'on m'avait dit que 5 ans après je ferais partie des 18 pressentis à représenter la France lors de l'Eurovision, je n'y aurais jamais cru, a déclaré le jeune homme sur une publication postée sur Instagram. Alors, de tout ce qu'on a dit, évidemment, ceux qui nous écoutent disent « Bon, d'accord, c'est un arabe, mais où est le crime ? » En plus d'être arabe, je veux dire. Quelqu'un peut-il vendre la mèche ? Parce que c'est pas forcément à l'audio, évidemment, ça se ressent pas. Quel problème avec la candidature de Bilal Hassani? On l'a évoqué un petit peu, si tu veux, en parlant de la comparaison qui est faite avec Conchita Wurst. Le Bilal Hassani en question, c'est un arabe travelo. C'est un travelo, c'est-à-dire c'est un bougnoul qui a énormément de problèmes hormonaux, hein. Oui. Qui a une folle. Voix. C'est une folle. Hein. C'est une folle. Ouais. C'est un type qui part dans. Il a la voix qui part dans les aigus. Il est tout le temps en train d'agiter ses mains comme s'il avait des vers au cul. Hein. Je vois que ça. Voilà. C'est une folle. Fluo, hein, s'il vous plaît. Il y a du blond décoloré aussi. Ouais, mais c'est du jaune fluo. Entre Conchita Wurst, parce que Conchita, ouais. Je sais pas. Conchita Wurst, tu vois, il sortait un petit peu de nulle part, tu vois. Mais là, alors. Bon, la femme à barbe quand même, hein. La femme à barbe. Ouais. C'est vrai que la barbe, ça. C'était quelque chose, ouais. Ouais, mais, c'était. Non, là, moi, ce qui m'inquiète, si tu veux, c'est les chiffres. Plus de 600 000 abonnés, c'est ça? Sur YouTube. C'est inquiétant. Et n'ayons pas peur de le dire, donc probablement les trois quarts sont des blancs. On peut dire 80%. Non, parce que quand même, tu dois avoir pas mal de beurrettes, tu vois. Et elles aiment bien. Question, peut-être là, je parle peut-être un peu plus en direction d'Astérix. Est-ce que le mâle maghrébin qui a du mal à s'intégrer en France va ressentir ça vraiment? Est-ce qu'il va penser que c'est vachement valorisant que la France envoie des travelots marocains décolorés? Je pose la question. Ah oui. Là, c'est l'opération de scission qu'ils essayent de. Moi, je vois des mains juives, tout ça, mais bon. Ouais. Bah, évidemment, voilà. C'est-à-dire, ils veulent absolument homosexualiser tout le monde en France parce que. Ils veulent le multiculturalisme, sauf que le multiculturalisme, ça a amené des momoméras, des trucs un peu bizarres qui, des fois, font des détours par des écoles juives. Enfin, des mecs qui ont des idées louches, quoi. Et ils pensent que si Momomera avait une Conchita, avait une Concha de su madre à la place d'avoir une bite, ils pensent peut-être que le détour, ils ne l'auraient pas fait, quoi. Il aurait été à la boîte gay au lieu d'aller à la petite école juive, quoi. Ouais. Donc cette opération est en place, ils veulent pénaliser absolument les Maghrébins et Bilal Hassani tente tient premier hameçon, quoi. Je sais pas si la communauté va mordre. Ouais, alors moi je lance là un appel aux juifs. Juifs, attention, vous jouez avec le feu. Si vous croyez qu'en mettant des Maghrébins pédales pour les pour montrer que c'est ça l'idéal du maghrébin, il y en a quelques-uns qui vont pas être contents, hein. Ça va pas leur plaire, et effectivement quand les maghrébins sont énervés, ils ont tendance à aller faire leurs courses à l'hypercacher, par exemple, tu vois, il y a des trucs qui se passent là-bas, ça leur vient, on ne sait pas pourquoi, comme ça, hein. ils ont la boussole qui leur indique le juif, hein, bizarrement, un petit peu comme nous. Oui. Depuis qu'ils savent que le halal est cachère, ils peuvent aller faire leurs courses dans un hyper cachère. Et alors j'espère moi que ce Bilal machin là, va être sélectionné, c'est ça? Sélectionné, et il faudra surtout pas manquer l'occasion de se foutre de la gueule des Maghrébins pour les énerver. Hein. Et puis qu'ils fassent n'importe quoi. Il n'y a que quand ils font n'importe quoi que les métèques nous sont utiles, puisque les gens voient que ce sont des fous furieux. Hein. Donc très bien, Bilal Hassani va provoquer une rixe raciale, intra-raciale. Les Maghrébins vont faire pour Bilal Hassani. Croix de fer. Ça pourrait valoir un prix Adolf Hitler. Ah, un prix Adolf Hitler. S'il gagne l'Eurovision, il nous montrera que les Maghrébins sont effectivement des grosses pédales. Hein. Ce sera officiel. Donc, allez Bilal, on est avec toi. On est avec toi, Bilal. Garde le cap. Garde le cap. Qui d'autre là-dessus non, c'est... Je sais que l'inspiration peut venir, mais non. Ouais, mais écoute, moi, je découvre la nouvelle faune française. Je suis toujours impressionné. Il y a le frelon asiatique qui arrive. Je m'en veux pas, mais le frelon asiatique a quand même plus de dignité. Hein. Je vois pas. Hein. Bon, ça reste une espèce invasive et parasite. Oui. Et puis tu as cette chose qui est un hybride en fait. Effectivement, ça vient du Maghreb. Ça doit s'adapter à un milieu local particulier, qui est celui de la pédalerie parisienne. Ça te crée une sorte d'hybride. Moi, quand j'ai vu la chose, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il me fait penser à, tu sais, les lévriers afghans. Tu vois les chiens? Oui, oui, oui, oui. Il me fait penser à ça, il me fait penser à un lévrier afghan. Bien observé, là, j'avais pas fait gaffe, ça, les lévriers afghans. Ah ouais, c'est vrai, ça. Alors, sur ce, on va enchaîner. Hein. Alors, avant de faire notre pause musicale, les amis, alors là c'est la séquence. Si vous êtes chez vous, par hasard. Séquence réjouissance. Voilà, c'est le moment, si vous voulez, où on va évacuer tout notre stress. Toute cette année où on a accumulé des mauvaises énergies, des mauvaises ondes, vous voyez, c'est très mauvais de garder ces mauvaises humeurs-là tournées dans son organisme, ça doit sortir. Bon, c'est le moment. Installez-vous confortablement. Trouvez-vous votre canapé préféré, votre siège, votre fauteuil, au calme. Si vous êtes dans le train, respirez, inspirez. Voilà, vous allez passer quelques minutes de relaxation en notre compagnie. Et vous allez vite le comprendre. Comprendre pourquoi. Voilà. C'est la minute de relaxation. Voilà. Ça... Oh, rubrique numéro 3, les amis. Guerre raciale. Jouer les tours. Alors, Jouer les tours est une commune que nos auditeurs les plus avertis connaissent. Puisque c'est là qu'a commencé le djihad en France en 2014-15, si vous vous en rappelez. Vous vous rappelez pas de ce mec-là? Un machin, je sais plus de quelle bled, c'est pas la Centrafrique, un truc comme ça, qui avait essayé de tuer des flics dans un commissariat, vous vous rappelez de ça? C'est Oui, attends. Il a un nom imprononçable, hein. c'est un truc... Pff, ça c'est. C'est juste avant Charlie Hebdo. Ah, j'ai oublié. C'était Noël 2014, je pense, aux alentours de cette période-là. Vous voyez, là, le temps passe vite, c'était déjà il y a 4 ans déjà. Et bon, enfin, vous pourrez vous y référer. Donc, jouer les tours, hein, c'est quand même connu. Hein, et il y a souvent des émeutes là-bas. Voilà, Burundi, oui, Burundi. Bertrand Zobogayo, un truc comme ça. Ouais. Ah oui. C'est... Ah, oui. Alors, et récemment, il y a eu un couvre-feu. Ah, oui. Alors, juste une petite anecdote quand même. Il s'appelait Bertrand. Donc, hein, oui, Bertrand. Voilà. C'est un français. Au moins, il ne s'appelait pas Mamadou. Vous voyez, voilà. Hein. Pour reprendre en fait la thématique cher Eric Zemmour, il portait un nom français. Ça règle bien des problèmes. Hein. Des problèmes. Proposition reprise d'ailleurs avec brio par Marine Le Pen. Oui. Alors, puisqu'on parle relaxation, rentrons-y. Je cite France Bleu. Un meurtre particulièrement violent s'est déroulé il y a un peu plus de 3 semaines à Jouer les Tours. Un homme de 56 ans a été tué de 28 coups de couteau dans son appartement. L'agresseur présumé est un migrant ivoirien de 22 ans. On ne l'a appris que ce vendredi. Un homme de 56 ans, ancien directeur du Monoprix des Deux Lions, a été tué de 28 coups de couteau dans son appartement de Jouy-les-Tours il y a un peu plus de 3 semaines. Le meurtre se serait déroulé dans la nuit du 11 au 12 décembre. C'est cette nuit-là, en effet, que le voisinage a entendu des bruits de dispute. Pourtant, le corps n'a lui été découvert que quelques jours plus tard, le 17 décembre. 5 jours plus tard. Une personne venue boire un verre avec le colocataire, notez bien le terme, hein, colocataire de la victime, s'est alors rendu compte de la présence d'un corps dans la chambre et est allé immédiatement faire une déclaration au service de police. C'est d'ailleurs ce colocataire, notez bien, hein, colocataire, un migrant ivoirien de 22 ans, qui est aujourd'hui le principal suspect. Lui assure que la victime lui aurait demandé de quitter l'appartement et qu'une violente dispute aurait alors éclaté. Mais le mobile reste à éclaircir, précise France Bleu. Les enquêteurs veulent aussi savoir depuis combien de temps le jeune homme était hébergé chez sa victime. L'agresseur présumé a été mis en examen pour meurtre et écroué. On peut trouver d'ailleurs, grâce à France 3, de magnifiques photos de la victime de 56 ans, donc un homme qui donne à manger aux nègres avec des grandes marmites. Hein. C'est un militant pro-migrant acharné, hein, donc qui est tellement acharné, il vivait avec... Avec un jeune homme de 22 ans, hein, je pense assez vigoureux. Je veux vous céder la parole. Derrick ou quelqu'un d'autre qui veut ça Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas se réjouir de la mort des Blancs tués par des métèques. Eh bien moi, oui, il le faut. Alors qu'est-ce que c'est un réjouir ça? Qu'est-ce que ça fait du bien, hein? Cette sale fiotte, hein, parce que ce type-là, hein, un colocataire, bien entendu, de 22 ans. L'anus. Voilà, la conjuration des sidaïques, hein, le nègre, voilà. Et la fiotte, voilà, qui font une espèce d'égrégore maléfique, hein, pour nous empoisonner. Et bien voilà, ça n'a pas loupé, le nègre a buté cette sale fiotte de Bertrand Louiset. En le poignardant à 27 reprises. 27, c'est quand même... C'est 28. Moi, 28. 28. Oh, 28, 28. 28. Un petit plus, oh, un petit plus. Allez, arrête. Imaginez un petit peu les traces que ça a fait là-dedans. Il y avait du bon boudé à faire pour nourrir ce nègre. Peut-être l'a-t-il fait. Hein. Je sais que c'est une spécialité. J'en avais déjà... J'avais déjà proposé la chose. Hein, avec un petit peu d'oignon, hein, du sel. Voilà, on met ça dans du noyau. Et ça cuit très bien. Alors, représentez-vous un peu le truc quand même. C'est-à-dire que le nègre a, comment dirais-je, du militant pro-migrant endurci et, évidemment, réceptacle à foutre d'Afrique patenté, mais ne s'est soucié à aucun moment de cacher le macabé. Hein. Il s'en fout. Il a laissé le truc probablement là où il l'a saigné. Il était en train de pourrir. Puis il a invité son pote à boire un coup, quoi. Ah, tout va bien. Probablement un autre nègre, d'ailleurs. Il invite le machin, il boit un coup, tu vois. Il y a le macabé qui est derrière. Le truc doit puer déjà là-dedans, machin. L'autre, il s'en fout. Ouais, enfin, les nègres et le sens ça. De l'odeur, bon. Bon, voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être lui rappeler un petit peu le pays. Mais. Non, mais c'est un conte de Noël, précisément. Hein. C'est un conte de Noël. Ah oui, qui finit bien, d'ailleurs. Qui d'autre? Astérix. Bon. Bah, pour qu'ils finissent parfaitement, il aurait fallu qu'une bagarre éclate entre les deux nègres et qu'on retrouve deux nègres morts à côté d'un anus béant, d'un vieux con, d'une vieille pédale de 55 ans. Mais bon, on peut pas non plus trop en demander. Donc, on aura l'anus béant, les tripes à l'air, quoi. Et ça sera déjà pas mal pour commencer la nouvelle année. On vous offre du lourd. Enfin, on vous offre. C'est pas nous, hein. C'est la joyeuse France. C'est l'Afrique. Ouais, c'est vrai que les couteaux dans les tripes, tu vois, ça fait un mélange de sang et de merde. Tu vois, et de foutre, puisque dans les tripes, il avait autant de foutre que de merde. Ah, c'est possible. Même oui. Plus de foutre, puisque la merde, le noir lui avait sorti avec son engin, quoi. Ouais, non, mais c'est beau. Ouais, c'est ce genre de tableau, de fresque, que nous apprécions ici à Démocratie Participative. Ah, il y a un petit peu de, Salvador Dali là-dedans, hein, je trouve. Oui, un petit peu. J'imagine bien, là. Oui. Ça serait bien qu'on l'expose à Paris. Voilà, la Sodome sur scène, ça serait très... ce serait très, ah, très, très distingué, très distingué. Tu as un petit grésillement sur ta ligne, Derek. Ah, désolé. Alors, il y avait eu, dans le genre mort jouissive, il y avait eu Richard Descoings, qui, je pense, avait eu juste un nègre un tout petit peu plus intelligent qui avait, lui, pensé à quitter les lieux, quand même. Qui avait pensé à quitter le lieu du crime, quoi. Donc Richard Descoings qui était mort en fait sodomisé à outrance dans un hôtel de luxe new-yorkais qui était l'ancien président de Sciences Po Paris, donc qui forgeait et continue de forger d'ailleurs les futurs dégénérés qui sont censés gouverner cette république juive. Et donc lui il est mort de sodomie, de drogue, voilà. Est-ce qu'ils ont jamais arrêté les auteurs? Non, il n'y a pas eu de crime. Les nègres courent toujours. Le type est mort d'overdose, donc... Alors, overdose de quoi? De zizi ou bien de drogue? Non, mais c'est la cam, hein. C'est la cam. Après, le reste n'aide pas, effectivement. Quand tu as le... Bon, bref, c'est la pratique, là, j'ai oublié le nom, on avait parlé 2-3 fois, là. Les types qui se bourrent de cam et puis qui crèvent, quoi. Les homosexuels se cam. Bah oui, on avait parlé de ça. Ils se cam à fond. Ils crèvent comme des. Ils crèvent en masse. Donc c'est très bien. Continuez les PD. Droguez-vous et crevez. Alors moi, je culpabilise. Et puis c'est 2019. C'est la nouvelle année. Mais j'ai un petit penchant chrétien. C'est de plus en plus faible. A-t-on le droit de se réjouir de la mort d'un blanc? Oui. Ah bah oui, si les PD qui organisent l'invasion, je me réjouis à double titre. Eh bien moi aussi. Non mais c'est bien parce que, comment dirais-je, il est mort par là où il a pêché. Oui, il est allé leur filer de la soupe. Hein. Oui. Ah, mais là par contre, ça lève... Il nourrissait la bête. Ça rejoint un petit peu la question des vieilles peaux ménopausées qui vont à la pêche aussi au bamboula miraculeux. C'est la même chose qu'ils recherchent. Hein, c'est qu'en fait, le vinaigre. C'est-à-dire que, oui, voilà, c'est clairement, celui-là n'était pas un militant pro-migrant parce que Mère Teresa. C'était quelqu'un qui avait besoin de zizi dans son anus. Oui. Et qui avait un penchant très marqué pour les zizi tout noirs, visiblement. Et alors, je pense, parce que connaissant les nègres, qu'il y avait très probablement des histoires d'argent là derrière, que... Ah oui, c'est un travail, oui. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'était le gigolo devait attendre un certain revenu mensuel, hein, pour ses services, l'autre, ou ses vices, hein, c'est pas tout, l'autre a probablement commencé à tirer un peu la gueule, parce que le nègre devait demander 250 €, puis c'est passé à 500, puis je pense au bout de 3 semaines, c'est passé à 1000, et l'autre a dit, mais comment, mais quoi, et ça s'est terminé, à l'ivoirienne, hein, voilà. Toi, problème, moi, couteau, voilà. Et bon. Et Alexis, qui va parler d'éducation nationale, ou post-nationale, c'est selon, avec Blanquer, l'actuel ministre macroniste. Qu'est-ce que tu voulais nous en dire? Il y a un sujet qui t'a beaucoup interpellé. De mal, je voulais en dire du mal. Voilà, beaucoup de mal, oui, ça c'est sûr. Vas-y, Alex. Alors d'abord, tout. Oui. Il y a un lien qui existe entre les gilets jaunes et puis Blanquer. Vous allez voir, c'est d'un côté, vous avez peut-être entendu parler un petit peu des stylos rouges. C'est une protestation enseignante classique en France, c'est-à-dire on ne désigne pas les vrais problèmes raciaux, par exemple, etc. Hein, mais donc c'est un mouvement quand même qui est intéressant puisque c'était en dehors des syndicats, donc c'était pas mal. Et vous avez entendu parler aussi il y a quelques mois d'un hashtag pas de vague où vous avez des enseignants qui ont plus ou moins anonymement sur leur compte Twitter en tout cas décrit des scènes de violence ou d'irrespect total de la part d'élèves vis-à-vis d'enseignants et de manque de soutien de la hiérarchie. Et Blanquer vis-à-vis de ça en fait avait dit oui, on sait que parfois malheureusement c'est masqué, Blanquer, peut-être que certains qui nous écoutent ont une bonne image de lui, ils se disent que c'est un homme d'ordre, en tout cas c'est l'image qu'il veut donner. Mais j'aimerais qu'on détruise un peu cette image-là. C'est pas moi personnellement qui le fait. Mais... donc d'abord, comment est-ce que Blanquer a réagi à ses premières fuites un petit peu ou ses contestations dans le cadre de l'éducation nationale? Il vient d'annoncer la semaine dernière que les professeurs de ZEP toucheront environ 1000 euros par an en plus, sachant que les professeurs de ZEP alors, sont ZEP, déjà payés en plus. Zone d'éducation prioritaire. Ouais, tu fais bien de me demander de préciser la chose. Oui, explique juste un petit peu quand même brièvement pour ceux qui ne sont pas familiers tout ça. Oui, bah, les zones d'éducation prioritaire dans des villes. Donc les critères retenus par l'éducation nationale, c'est là où on voit aussi l'hypocrisie du système. Parmi les critères requis, il y a oui, bon, soi-disant la pauvreté, les gens assistés, tout ça, selon le quartier hein, où ça se trouve. Mais aussi, on le dit, bon, les gens qui ne parlent pas français ou dont le français est difficile ou les parents ne parlent pas français. C'est-à-dire, en gros, les zones d'éducation prioritaire sont très majoritairement des zones où l'immigration est très présente, voire majoritaire. Bon. Et donc, les professeurs qui enseignent là ont déjà une prime, je crois, d'à peu près 80 euros par mois, en plus, des autres. Mais en plus, cette prime vient précisément d'être doublée par Blanquer. Je trouve que ça fait le lien avec ce qu'a dit Claude Meunier-Berthelot. Claude, c'est une femme, pour une fois. Une dame qui connaît bien son sujet, qui a écrit plusieurs livres et qui a expliqué très bien que depuis déjà plusieurs années, notamment depuis Belkacem et avant déjà, Najat Vallaud-Belkacem, qui était auparavant ministre de l'Éducation nationale, elle aussi, il y a la volonté, ou même sous Sarkozy, il y a la volonté de créer une élite d'origine étrangère. Parce que déjà sous Sarkozy, vous avez eu la création d'internats d'excellence, donc sur le principe des internats, mais excellence, bon ça n'a d'excellence en partie, enfin surtout que le nom, mais ce sont des gens, souvent des jeunes immigrés, dont on dit qu'ils ont un potentiel qu'ils ne peuvent pas réaliser totalement à cause de conditions familiales difficiles. Bon. Et donc il y a eu ça, il y a eu des moyens assez importants mobilisés par Sarkozy pour que ces gens-là s'en sortent, donc une prime à l'immigration, une prime par conséquent à la création de cette élite étrangère. Et ça a continué avec Najat Vallaud-Belkacem. Et là, on voit que dans les zones d'éducation prioritaire, dans les ZEP dont on parlait, l'enseignement traditionnel, c'est-à-dire voilà, la transmission des savoirs avec des exercices, des professeurs qui parlent, des leçons qui sont apprises, etc., on essaie, alors c'est pas toujours possible parce qu'il faut voir la faune locale, mais ce qui est recommandé officiellement même par le ministre, c'est l'enseignement traditionnel qui est reconnu comme fonctionnant bien, puisque les orthophonistes, quand vous avez des enfants qui ont des problèmes de dyslexie, les orthophonistes utilisent cette méthode quand les jeunes n'arrivent pas à lire. Donc on sait que c'est une méthode qui marche, et semble-t-il le ministre le sait lui-même. Et par contre, les petits blancs des campagnes, alors c'était passé un petit peu inaperçu, mais il a fermé des classes en province, dans les campagnes, ce qui est une des raisons des gilets jaunes aussi, pourquoi ils se mobilisent, parce qu'ils ont de moins en moins de services qui sont à leur disposition. Et voilà, bon, on a déjà fait un petit peu le tour du sujet, mais Blanquer donc, soutient de plus en plus la banlieue, il est dans la continuité, et il soutient de moins en moins les provinces, à qui, bon, voilà, les gens des campagnes, les blancs, en gros, ils peuvent apprendre selon les méthodes pédago, hein, les méthodes issues de mai 68, qui sont assez stupides, hein, donc les méthodes de lecture, c'est assez débile. Et donc voilà, Blanquer s'est distingué en la seule réaction qu'il a eue à... Au remous dans l'éducation nationale, c'est une petite prime, une prime acquise à ceux qui travaillent avec les immigrés, donc c'est une prime indirecte à l'immigration. Voilà ce que je voulais dire de lui. Juste sur la méthode, donc il propose, si j'ai bien compris, de revenir à des méthodes éprouvées pour les nègres. C'est ça, c'est des voilà. Méthodes qui marchent pour les métèques. Par contre, toutes les merdes pédagogos et compagnie issues de la gauche de ces au moins 30 dernières années, Ça reste en place pour les blancs. Hein. Par contre, voilà, les zoos, dans le zoo, voilà, on aura des méthodes qui marchent. C'est bien, hein. Alors, donc, pour des gens qui sont infoutus de toute façon d'apprendre la lecture, on va revenir à des trucs qui marchaient pour les blancs il y a 20 ou 30 ans en arrière. Et les blancs, on va continuer à leur foutre la tête sur l'eau, sous l'eau, avec des méthodes de trotsko dégénéré de merde, parce que on ne sait pas pourquoi. Exactement. Ah, et ça se voit aussi... Là je sens l'homme de droite à la tête de l'éducation nationale qui veut sauver la France. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Ouais, donc, on a ça un peu, là, si tu veux, qui se passe, c'est-à-dire dans les montagnes. tu as des classes qui sont en fait des écoles, puisque tu as des classes multiniveaux, hein, tu as une ou deux classes, donc ils ont fermé des trucs parce que tu n'avais pas assez, soi-disant, d'effectifs. Or, les effectifs théoriques qu'il y avait dans ces classes-là, ils étaient supérieurs à ce qui est ce qui se pratique dans les zones, dans les OA nègres, hein, les ZEP, les UP, je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà. Mais voilà, c'est-à-dire que les blancs, les classes avec des petits effectifs, ils n'ont pas le droit. Il faut qu'ils s'entassent, hein, il faut que ce soit le wagon à bestiaux. Par contre, voilà, les cafres, eux, il leur faut des classes où ils sont très peu, avec des profs qui leur enseignent les bonnes méthodes. C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est comme si on filait de la confiture, on filait à bouffer de la confiture à des cochons en espérant qu'ils chient des perles. Bon, ça n'a pas marché, hein, ça n'a pas marché. Mais les blancs, eux, continueront. Enfin, par contre, excusez-moi, hein, c'est de la pâte de goy, quoi. C'est de la pâte de goy qui va être, qui va apprendre, voilà, qui c'est du futur abonné à la chaîne de Bilal Hassani, hein, qu'on nous crée. Donc là, une nouvelle fois, on a la démonstration que les cadres marxistes de l'éducation nationale sont engoncés dans leur schéma qui consiste à nier les réalités de l'ordre naturel. En gros, ils croient que c'est le milieu social qui va faire qu'un nègre sache ou pas lire. Voilà. Il n'y a pas de... Si vous voulez, il n'y a pas intrinsèquement de différence raciale. Donc les types, ils vont s'acharner, au détriment des Blancs. Hein. Ils vont prélever des sommes énormes. Donc, c'est-à-dire, ils vont prélever sur le travail des Blancs pour essayer d'éduquer des Nègres. Moi, je l'ai dit, je le répète, qui a jamais eu cette idée totalement tarée, débile, de vouloir apprendre à lire à des nègres. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, mais bon. La République, ils sont là-dedans. Et avant le clergé, oui. Voilà, c'est bon. Sauf que ça marche pas. Mais ils s'acharnent, et c'est toujours au détriment des Blancs. Donc, alors, et caricaturalement représenté par ce que tu nous as expliqué, c'est-à-dire que tu as des classes surchargées avec des petits Blancs, et ils essayent de consacrer des moyens, et sur des nègres qui vont... On sait pas ce qu'ils vont dire, découvrir quoi, là On ne sait pas quoi. Bah, les fameuses agrégés de grand-mère, quoi. C'est... Oui, oui. Puis, la francophonie, reste, quoi, la francophonie. Et Macron et ses robots conçus par des nègres, enfin, c'est... Tout ça est du dernier ridicule, et ça continuera tant que la plèbe, tant que les Blancs accepteront de raquer, de cracher au bassinet. Parce que ce n'est tout pas ça gratuit, coûte très cher, tout ça. Hein. Voilà. Oui, déjà que l'éducation nationale, ça coûte cher. C'est-à-dire un nègre qui est obligatoirement doit aller à l'école comme tous les gens normaux. L'école obligatoire pour les nègres. Alors, qui a une idée aussi con? Je vous pose la question. Oui. Mais bon, moi, je diffère un petit peu de ce que tu dis. Parce que tu dis, oui, c'est le... Ils veulent... Ah, trop libéral. Oui. Ben oui, c'est-à-dire que tu leur prêtes des intentions pas assez, comment dire, encore, enfin, des intentions qui sont encore bonnes, en tout cas, à l'endroit des nègres. J'ai toujours cru que je pense que le nègre est fondamentalement mal intentionné, moi. Oui, non, mais le nègre, oui. Oui, j'aurais peut-être laissé un doute là-dessus, c'est pas non, vrai. Non, non, mais alors, c'est pas... moi... Ouais, non, attends, vas-y, Adéric, explique, oui. Non, c'est-à-dire que tu penses que ils essayent d'élever le nègre pour oui. Parce qu'ils pensent qu'ils vont faire quelque chose. Je pense que non. Oui, je crois que non. Ah ben non, parce que sinon, si c'était ça, ils appliqueraient les méthodes qui marchent. Ils ont bien compris que leurs méthodes ne marchaient pas. Hein, les méthodes qui marchent, ils les donnent maintenant exclusivement pour le nègre, et la merde, c'est le truc qui ne marche pas. On le garde pour abrutir le blanc. Donc il y a la volonté. Et la volonté de nous abrutir derrière. C'est pas seulement d'essayer de faire quelque chose du nègre. C'est surtout que le blanc reste bien con comme il est. Astérix ? Ah, ouais, non, sur l'intentionnalité que tu prêtes au nègre, là... C'est-à-dire, je prête jamais tellement d'intention au nègre, mais bon, à part quand ils violent des blancs... Voilà. Je parlais plutôt des marxistes. Je crois que... je crois que le nègre est très, quand même un être très très très instinctif, hein, et l'intention, la préméditation chez lui, le calcul, c'est-à-dire la conquête raciale chez lui se fait vraiment avec la bite, avec tu veux dire à son corps défendant, quoi. C'est ça, voilà. Excusez-moi, je vous ai envahi, je voulais pas. Enfin, avec l'accent. Oui, oui, c'est ça. Non, c'est ça. Non, parce qu'ils n'ont pas non plus la conscience de jusqu'à pouvoir s'en excuser. Non, je pense que c'est comme le parasite, quoi. C'est le parasite n'a pas d'intention. Quoi. L'intention, il faut déjà être un être. Relativement évolué pour en avoir une. Mais bon, ce qu'on disait, à savoir que le nègre devrait pas aller à l'école. Bon, effectivement, c'est une absurdité de foutre les noirs à l'école. Pour eux. En revanche, pour nous, c'est peut-être pas plus mal dans le sens où on peut un petit peu les domestiquer quand même via l'école. Parce que là, si on se coltinait la masse de noirs qu'on se coltine en France sans les avoir mis à l'école. Il nous manquerait des morceaux de viande, hein. Il nous manquerait des morceaux de bras, des morceaux de jambes. On serait préférable, quoi. Hein. Préférable. Hein. Oui, parce que non, moi, non, les parce, que, très non, parce clair, que là, oui. Là, on est quand même en train de produire des nègres à lunettes en grande quantité, ça fait peur. Ah oui, c'est vrai que le nègre à lunettes, mais le nègre à lunettes, c'est celui qui a vraiment été à l'école, qui a été jusqu'au bac, quoi. Lui, il a été trop loin. Moi, je dis. Jusqu'à 12 ans, et puis bon, de façon, non, mais en fait, de quoi je parle? Qu'est-ce qu'on fout avec des noirs déjà en France? Oui, mais il nous envoie vers où là exactement? Tu vois, mais oui, revenons à l'essentiel. Pour nous-mêmes, cette discussion. Non, on est dans l'air, mais dis-moi, est-ce qu'il faut les éduquer? Le nègre est-il respectable? Quelle question? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors, ouais. moi, ma grande question, parce que je veux dire, excusez-moi, mais alors, je te donne la parole, Magda, mais simplement, juste. Alors, discussion ouverte que je laisse d'ailleurs. Moi, je suis quand même je tiens à dire que je pense que le nègre n'a pas d'âme. Je veux quand même laisser. Enfin, je veux quand même dire qu'il y a des discussions sur ce sujet qui ne sont pas du tout fermées. Il y a eu une discussion très intéressante. Il y a des gens qui essayent de fermer cette discussion. Voilà, il y a eu des discussions qui étaient malheureusement fermées il y a quelques siècles. J'aurais tendance de les réouvrir. Oui, par des gens qui voulaient, qui avaient des parts de marché à conquérir. Oui, c'est ça. Voilà, En fait, la question est très sérieuse, et si je fais un très court développement, parce que la conscience, bon, une âme, c'est un petit peu, mais est-ce que le noir a une conscience? La conscience, partant la conscience ne peut venir que d'un détachement, quoi, que la conscience ne peut venir que d'un zoom arrière, et puis d'une analyse en zoom avant, c'est-à-dire c'est un jeu entre le zoom arrière et le zoom avant. Est-ce que le noir est capable du zoom avant, de l'analyse? C'est là que ça pêche. Parce que c'est une question, en fait, une question d'anticipation. Tu es capable de te projeter dans le temps et dans l'espace à quelle distance? C'est quoi ta capacité d'anticipation? Vous allez découvrir très rapidement que le nègre est dans le présentisme, en fait. Hein, c'est ça, quelques minutes voilà. Après, quoi. J'ai alors que le blanc. Pour, les plus oh là là, mais tu me parles d'un génie, là. Non, Donc, et les blancs sont carrément, mais à des années-lumière de ça. L'homme blanc réfléchit carrément sur la condition humaine, l'univers, l'homme blanc est vraiment profondément bon, quoi. Il est mu par le meilleur. Il veut aller vers le meilleur, vous voyez, c'est ça. Alors que le nègre, c'est l'argent, les femmes, quoi, le cul, quoi. Et gigoter comme un nègre, c'est-à-dire faire de la danse. Nigga fuck. Hein, voilà. C'est leur chanson. C'est le principal, enfin c'est les deux composantes majeures du vocabulaire des chansons nègres. La culture nègre, hein. La culture nègre. Oui, la grande culture nègre, l'art nègre en général. Voilà. Alors, non, enfin, en fait, pas pour couper l'Astérix, mais c'est pour ça que quand on dit la question de la conscience, c'est les gens vont dire mais ils déconnent, ils rigolent. Non, mais non, c'est très sérieux. L'homme blanc a un regard. En fait, c'est trop. Nous, on a trop de conscience. On a du surplus. Tellement de surplus qu'on en devient, quelque part, on commence à se détester nous-mêmes. Vous voyez, on s'aime pas, on n'est jamais suffisamment parfait, pas comme il faut, etc. Et c'est ça dont on souffre, alors que le nègre, lui, il est, c'est l'éternel satisfait de sa condition, quoi. Il est, enfin, pas de sa condition au sens strict, mais l'éternel satisfait de lui-même. Ah oui, pour parler, il y a une énorme confusion d'ailleurs qui se font, parce que vous savez, il y a en Europe et en Occident, depuis déjà pas mal de temps, un mouvement New Age, un peu qu'on appelle ici et maintenant, c'est-à-dire en fait, tout un tas d'Occidentaux qui essayent... par tous les moyens en fait de retrouver un peu de présence parce que ils se sentent parfois pris dans le tourbillon de l'hypercérébralité, quoi, c'est-à-dire des pensées qui tournent, et finalement c'est cette projection sur le futur ou cette analyse du passé les empêche de profiter de l'instant présent, et donc il y a une grande confusion chez ces individus qui parfois vont se tourner vers le nègre en admirant, en confondant en fait le surmoi et le sous-moi. C'est-à-dire que le blanc ne peut pas devenir un nègre. Le blanc doit arriver à un état supramental. C'est-à-dire qu'il doit dépasser son mental pour le comment dire tout sans l'annuler, quoi. Il doit juste le sublimer. Le sublimer, exactement. Mais il ne pourra jamais devenir un espèce d'animal qui voit pas plus loin que le bout de son nez, qui ne sait pas que 3 et 3 font 6. Ça ne marchera jamais comme ça. Et il y a une grande, il y a une grande admiration de la part de certains Européens pour ces peuples des forêts, parce que ils sont animaux. Mais l'homme blanc et la spiritualité, ça n'est pas de redevenir un animal. Aucune spiritualité ne pousse à l'animalité. L'animalité est rejetée par toutes les traditions et toutes les spiritualités depuis la nuit des temps. Le mental doit être contrôlé, mais le mental doit pas être annihilé. Le mental doit pas être ça fait tellement peur ce que tu dis que même l'islam l'a compris, ça. Voilà. Ouais, enfin, ils ont une longue tradition de l'utilisation des nègres aussi. Hein. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que l'islam comprend l'animalité, c'est-à-dire qu'il la supprime pas, parce qu'on voit bien qu'ils utilisent la sexualité notamment à des fins de contrôle. Mais ils ont quand même compris un truc élémentaire, c'est qu'il faut quand même essayer de faire de cette énergie sexuelle latente les sémites, un truc qui peut quand même ressembler, voilà. Loin. Hein. Quelque chose qui nous différencie du nègre, oui. Oui. Voilà. Alors que, effectivement, avec tout ça, en fait, la culture du shit, du pétard, la culture de. De cette sexualité complètement débridée, partout exposée, il y a vraiment l'idée, en fait, de régresser. Mais spectaculairement, quoi. C'est ça, en fait. On voit bien que la question de la civilisation qui est posée, en fait. C'est la question de la civilisation. C'est même pas le nègre en lui-même. En fait, le nègre est un objet dans tout ça. Que ce soit sa musique, son aspect, sa bestialité, parce que tout le monde sait que le nègre est un animal. En fait, tout le monde le sait. Soit que ce soit pour le magnifier, soit que ce soit pour le déprécier. Mais de toute façon, tout le monde le sait. Et de la même façon, sa pseudo-production intellectuelle ou musicale. Et je suis très gentil quand j'utilise ces qualificatifs. Donc tout le monde le sait. Mais c'est la question de la finalité qui est posée. Et il y a beaucoup de gens qui veulent simplement, parce qu'ils ont envie de se gratter les couilles et de rien branler, ils veulent retomber à l'état de sauvage. Mais même un blanc qui régresserait de plusieurs millénaires, même avant l'Antiquité, quoi, hein, la préhistoire, serait très largement au-dessus des nègres. Donc, comme tu l'as bien dit, Astérix, cette tentation est complètement folle, et de toute façon de court terme, et ne peut certainement pas amener à quelque chose de durable. Donc, ça peut être quelque chose qui peut s'étaler sur un siècle, mais je ne vois pas, pour ma part, et surtout... au niveau mondial, et certainement pas pour les Blancs, quelque chose de durable là-dedans. Le nègre est un cancer, ou plus exactement l'expression ou le support d'une métastase, mais qui chez nous, en fait, traduit un problème entre soi le surhomme et le choix de la bestialité, en fait. Je crois qu'on en est là. C'est-à-dire qu'en fait, soit il faut franchir le pas du surhomme, ce qu'Adolf Hitler a... Nietzsche l'a esquissé, les nationaux-socialistes ont tenté quelque chose dans cette direction, ou alors la bestialité totale. Et alors là, c'est l'apocalypse, quoi. Mais vraiment, l'apocalypse, c'est la dope, la pédophilie, tout s'effondre, quoi. Et on est là-dedans. T'es d'accord avec moi, c'est-à-dire. Exactement. Et donc, pour définir le. Parce que vraiment, vous l'entendrez, cette phrase, très souvent. Ouais, ils ont plein de défauts, mais quand même, ils sont plus spirituels. Des gens osent croire que les négros sont spirituels. Non. En fait, pour parler en termes d'énergie, leur énergie se situe au niveau de au niveau du chakra des burnes, c'est-à-dire au niveau de la génitale externe. Donc, c'est l'opposé, c'est la vibration la plus basse. En réalité, on va dire que voilà, pour parler en termes bouddhistes, puisque ce sont souvent les New Age qui apprécient ces espèces de peuples des forêts et ces tribus primitives, eux ils comprennent un peu ces termes bouddhistes, mais c'est l'énergie qui doit se situer au niveau du cœur, l'énergie qu'on doit faire monter au niveau du cœur, les négros la laissent stagner au niveau du bas-ventre, ce qui leur donne envie de forniquer à peu près tout ce qui passe devant leur nez, quoi. Et c'est absolument immonde et de faire croire que ces individus sont spirituels, c'est quasiment diabolique, quoi. Je t'arrête tout de suite quand même, ils font du gospel. ça s'appelle le négro spirituel. Attends, excusez-moi, mais messieurs dames, voilà, le nègre est spirituel, voilà, la preuve. Il s'agite, il hurle « Jesus Christ, Jesus Christ !» Alors, ils ont un problème, les nègres. C'est que quand ils veulent construire une cathédrale, ils demandent toujours à des blancs de la construire pour eux. Ouais, puis après, ils viennent se rouler dedans. C'est le concept de la spiritualité nègre, c'est hurler et se rouler par terre. Bah, en fait, la religion est toujours plus ou moins la même, c'est celle-là. Ça consiste en fait à se taper le cul par terre. C'est à peu près toujours pareil, c'est le même schéma. En fait, t'as le côté New Age des blancs, bobos, écolos, qui rejoint les religions, on va dire, animistes des nègres, en fait. Qui sont ah bah tiens, justement, est-ce que je peux te solliciter là-dessus, cher MacDav, Yves Cochet nous a fait part de son projet pour la France. Oh là là là là. Oh putain, oh quel enculé. Oh, non mais... Allez-y, parlez-en. Alors, on saute de Blanquer à Cochet. Est-il possible de dire un dernier mot sur Blanquer? Alors oui, et on reprend sur Cochet. Et sur Cochet, j'espère que ça va faire le lien. Alors, Blanquer a dit que dans un entretien à une revue catholique ou autre, qu'il avait lu quand il était élève la philosophie très jeune et qu'il voulait introduire les cours de philosophie dès la classe de maternelle. Alors, sa question, c'est de savoir est-ce qu'avec Bambara et Mamadou à 3 ans et demi, on va pouvoir parler de ton. Quel est votre avis? Déjà, moi, si tu veux, bon. Je suis le... Je parle pour tous, ici. Je tiens le mythe de la caverne pour étant le premier mythe antisémite de l'histoire. Je vous invite à le relire. Vous allez voir qu'une fois qu'on vous a... Quand on vous dit que le mythe de la caverne de Platon est un mythe antisémite, vous comprenez tout. C'est la lumière s'allume, voilà. Yves Cochet... Alors, déjà, juste un petit mot sur Blanquer, juste avant, et après, genre, je passe à Cochet. Blanquer, il était au collège, donc évidemment pas au collège à Trifouille-les-Oies avec des fils d'ouvriers, il était à Stanislas. Il était très... Cochet très copain. Ouais, non, Blanquer. Ah ouais, ouais. Blanquer, il était au collège avec, en fait, l'un des neveux de Saint-Gore, de Léopold Saint-Gore. Ah donc, du nom du fameux pont où le boxeur s'est illustré. Oui, ça fait des liens. Non, mais il était vraiment copain avec, et également, ils ont toujours eu des liens très forts, et apparemment, ils les ont toujours. Et également avec le fils de l'ancien grand maître Grand Orient, mort dans un accident d'avion, Barouin. Ah oui, le fils Barouin, voilà, ancien ministre. Ils étaient très copains au collège Stanislas, et plus tard, ayant quitté le collège, donc quand ils étaient étudiants en Sciences Po ou ailleurs, je ne sais pas, ils ont fait une sorte de déclaration des droits de l'homme, et cette sorte de Blanquer, qui est la caution de droite de Macron, est en fait un radical de gauche, c'est une réincarnation du radical de gauche. C'est pour ça qu'il arrive à séduire, on va dire, des néo-réacs, quoi, tu vois, des néo-réacs républicains à la sauce causeur. Qu'il arrive un petit peu à séduire tout ça. Chalala poi poi. Mmh. Ouais. Une dernière chose, j'aimerais dire, c'est de, donc, j'ai parlé de PADVA, qui était un hashtag où les enseignants se sont plaints de divers débordements. Le point de départ, c'était cet élève congoïde qu'on voyait brandir un faux flingue sur sa prof. Vous avez tous vu cette image à Créteil. Oui, oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Et ce qu'avait fait Blanquer, sa réaction, c'était quoi? C'était de dire, il faut interdire les téléphones portables. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas filmer la réalité. Il ne faut pas ne cacher moi cette violence interethnique que je ne saurais voir. Cachez-moi ce nègre que je ne... Voilà, enfin, quand il était recteur auparavant, il s'était vanté d'avoir autorisé le téléphone portable pour les élèves, dans les classes et dans les collèges. Là, là tu sens la cohérence, hein, je veux dire... À la droiture, hein, je crois que là, on a... Oui, voilà, oui, je crois depuis, quoi, oui, je crois qu'on est... Puis là, je sens, si tu veux... Parce que quand même, en France, on aime bien innover, tu vois. Et je sens que Jules Ferry est avec nous, là, tu vois. Ouais, je crois que j'en avais parlé il y a quelques semaines, il me semble. Hein. Mais la dernière fois que j'ai entendu parler de ce Blanquer, c'est quand il est venu par chez nous et il est allé visiter un camp de transit à juifs, hein, pour qui transportait les juifs dans des endroits où les climats sont plus adaptés. Hein, le climat est plus adapté. En Pologne, par exemple. Hein. Voilà, c'est... Oui, oui, oui. Ah, c'est beaucoup, oui, beaucoup. Et donc, il venait tourmenter les écoliers. Les maghrébins. Les pauvres maghrébins. Non, c'est pas... Il y avait un petit peu de tout. Là, tu... ouais, c'est... Ah, c'est vrai qu'il y avait quelques nègres, quand même. Bon, mais c'est tourmenter les nègres mais avec vois, les... Vois, le souffrance des juifs. Ah. Peut-être que ce type est quand même d'extrême droite. Il tourmente les nègres avec la souffrance des juifs. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le jeu diabolique. Ouais, le billard à 7 bandes. Voilà. Non mais c'est là qu'on voit qu'ils peuvent proclamer leur laïcité sur tous les tons, etc. C'est une, non, vous n'êtes pas suffisamment... Enfin, ceux qui nous écoutent ne sont pas suffisamment idiots. Je veux dire, et là je m'adresse à tous ceux qui... Enfin, j'ai pas d'a priori, hein, je veux dire, agnostiques, des gens athées, il y a beaucoup de gens athées aujourd'hui, des catholiques, etc. Là, vous avez bien compris que vous n'êtes pas dans un régime qui est neutre religieusement parlant, c'est très clair. Vous êtes dans un régime qui a une religion bien définie. Voilà, il y a des lieux sacrés en France. Hein. Il y a des lieux sacrés. Vous pouvez dire que Jésus est, pardonnez-moi, je vais blasphémer, mais c'est simplement pour les besoins de la démonstration et c'est contre les juifs, donc ça me sera pardonné plus tard dans la vie d'après. Vous pouvez dire que Jésus est un fils de pute. C'est d'ailleurs c'est la version officielle des rabbins. Hein. Jésus est un fils de pute. C'est le fils d'une putain et d'un soldat romain. Hein. Donc, c'est le droit canon juif. Hein. Voilà, c'est ce que les juifs appellent le discours comment dire judéo-chrétien. Ils appellent ça comme ça. Le blasphème autorisé. Voilà. Alors là, on peut y aller. Hein. Jésus a pas existé. Les communistes adorent dire ça. Les libres penseurs, tout. Ah, là, on y va. Hein. Là, ça défait. Marie, voilà. Bon, d'accord. Allah, Mahomet, ça devient sensiblement plus compliqué. Là, je crois que depuis justement Momomera, Bon, Charlie Hebdo, je crois que les gens commencent en fait à s'adapter, hein, à un nouveau public, et donc on prend acte, on intègre les susceptibilités de la population musulmane qui tient à faire savoir qu'elle tient à ce qu'on fasse preuve de respect. Donc là encore, une autre sensibilité religieuse. Alors par contre, alors, au niveau des juifs, alors comme personne ne connaît leur religion, ça va tout seul, en fait. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout de leur religion. Surtout que leur religion officielle est une religion bidon, leur synagogue, enfin, tout le monde s'en fout. Mais la religion juive, pour les goyes, tout le monde la connaît. C'est l'Holocauste, c'est le mythe de l'Holocauste. C'est la Shoah. La voilà. Alors là, chers amis agnostiques, athées de toutes les races et de toutes les religions, parce que pour le coup, ça s'applique à tout le monde, hein, là, il n'y a pas de discrimination, pour le coup. Musulmans ou pas, tout le monde doit signer. Hein. Vous êtes tous des croyants. Et si vous ne croyez pas, c'est-à-dire si vous manifestez votre scepticisme, hein, si vous ne croyez pas à la chambre à gaz magique, et aux 6 trilliards de juifs transformés en abat-jour par Adolf Hitler, hein, parce qu'Adolf Hitler, il avait que ça à foutre. Dans le but de faire du savon. Hein. Il fallait qu'il fasse du savon. Ouais. Voilà, oui. Pour se laver. Très important. Oui. Bah oui. Ah oui, tu t'affrontes avec l'Union soviétique dans une bagarre titanesque où il y a des dizaines de millions de morts. Premier réflexe. Merde, comment je fais le savon jour, quand même. Ouais, ouais, ouais. Bah oui. Ah, ouais. Abat-jour, savon, bah, abat-jour, savon. Compte. Bah là, l'abat-jour, après l'éclairage, tu comprends, dans la pièce, c'est, ah, bah, voilà. C'est voilà. Pas uniforme, c'est, ça, c'est pas bon. Donc là, par contre, il n'y a pas question de tricher, il n'y a pas d'exemption. Tout le monde doit croire au mythe de l'Holocauste. Donc, nous sommes dans un système religieux. Et par évidence, le ministère de l'Éducation nationale, post-nationale ou juive, impose à tous les élèves qui leur sont soumis, grâce à l'armée des quelques 1 million de personnels qui suivent les ordres des juifs, doivent inculquer dans la dernière cervelle blanche, africaine, maghrébine, autre, vous appelez ça comme vous voulez, ce mythe de l'Holocauste. Et voilà, et ce qui est la condition sine qua non, en fait, de la soumission au pouvoir juif. Ouais, point barre. Donc, voilà, Blanquer visite des camps de transit. Moi, je suppose qu'à un moment donné, il va visiter les selfs dans lesquels les juifs allaient bouffer leurs haricots. Enfin, je veux dire, tout est imaginable. Je veux dire, franchement, tout est possible. J'espère juste qu'il va pas tomber sur la piscine et le terrain de tennis. Ça risquerait de le... Est-ce que va être bouleversé un petit peu ça... son paradigme. L'orchestre et le club de foot aussi de Auschwitz. Ah, mais, mais non, parce que non, attends, quelqu'un... Non, mais il faut dire ça. Il y a des gens qui nous écoutent là. Ils ont jamais entendu parler de ça. Non, mais je vous assure. Donc on va s'arrêter juste 3 secondes là-dessus. D'abord pour rendre hommage au professeur Forisson quand même. Et deuxièmement, vous qui nous écoutez, vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire? Eh bien, on vous apprend un truc. À Auschwitz, il y avait un orchestre, un club de foot, une piscine. Avant d'aller tuer... Parce que vous avez quand même vachement envie que les gens que vous allez tuer jouent au foot, quoi. Voilà. Et de leur faire écouter de la musique. Waterpolo. Waterpolo. Non, mais bon. Hein. Il jouait du violon aussi. Oui, voilà. Bah, il jouait du violoncelle aussi. Hein. Il y avait une salle juive. Oui, une salle juive qui, en février dernier, faisait partie de l'orchestre d'Auschwitz et qui était venue au Parlement allemand. Jouer du violon. Jouer du violon. Elle était venue. Si, différemment. Oui, effectivement. Elle était venue voilà. Donner des ordres. Elle était venue rappeler à quel point les Allemands, de par leur race, étaient des fils de pute. Et que par conséquent. Ils devaient, c'était leur devoir moral, de se faire envahir par toute la poulée du monde. Oui, par tout ce que le monde compte de jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Et voilà, c'est ça, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et surtout, bon, il faut continuer à payer Israël, parce que bon, quand même aussi. Hein. Mais surtout qu'ils crèvent. Voilà. Les Germains doivent crever. Elle était venue le rappeler, effectivement. Je crois que c'est quelque chose qui nous a un petit peu lancé. Et depuis, nous sommes quelque peu en roue libre. Hein. Après avoir vu ça, on nous dit, bon, les Juifs ne sont pas prêts à de lâcher l'affaire. Bah, nous non plus. Tant mieux. Mais sachez bien que si vous amenez ces nouveaux éléments aux oreilles des révisionnistes qui prétendent que 6 millions de Juifs seraient morts, c'est-à-dire qu'ils rajoutent un zéro, ces nouveaux éléments... Ce ne sont pas des révisionnistes. Ce sont des conspirationnistes, voilà, attention. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. Il faut lutter contre cette théorie conspirationniste, comme quoi Adolf Hitler aurait voulu, dans une lubie, de lancer une usine d'abat-jour et de savon, hein, tuer 6 millions de juifs. Voilà, ce sont des conspirationnistes, à eux de prouver leur théorie est totalement débile. Non, mais ce que je voulais surtout dire, c'est que vous pourrez amener ces nouveaux éléments aux oreilles des conspirationnistes qui prétendent que 6 millions de juifs auraient péri sous la houlette sous le gouvernement le plus loyal, le plus sain, le plus bienveillant qui n'ait jamais existé, à savoir le à l'égard des blancs, oui. À l'égard des êtres humains. Eh bien, vous n'aurez pas, vous verrez que très vite, ils vous amèneront de nouveaux, ils updateront la théorie officielle. Donc, ils vous diront que les terrains de foot, c'était pour jouer avec les têtes des juifs. Ils vous diront que le water polo, c'était les juifs qui faisaient les chevaux. Ils vous diront que, ils vous trouveront tout un tas de trucs de plus en plus farfelus, mais amenez-leur quand même ces nouveaux éléments, hein. Plus c'est farfelu, plus on se marre. Bah, le Zyklon B a sauvé des millions de juifs dans les camps, il faut le dire. Oui, oui, en tuant les parasites, effectivement, porteurs de maladies, effectivement. Vous avez vu, c'est quand même terrible. Ça. Vous essayez de rendre service à ces juifs, ils sont encore là pour vous cracher à la gueule. Ah, mais l'orchestre... L'orchestre, c'était sûrement ces horribles sadiques nazis qui, en exterminant les juifs, ne pouvaient s'empêcher d'écouter du Wagner. Ah non, et les morceaux ont été composés. Non, c'est pour simplement cacher le bruit des cris des victimes. Ah oui, bah bien sûr. On est comme... oui, parce que c'est très important de cacher le bruit des victimes dans un camp qui est évidemment en pleine ville, où tout le kidam passe autour. Vous voyez, il faut quand même le cacher, c'est important. Oui, alors Gandalf, oui, j'ai fait un reproche. On devait passer de Blanquer à Auschwitz et nous avons fait un détour par Auschwitz. Oh bah c'est pas de ma faute, les juifs sont partout. Ouais. C'est les juifs qui ont indiqué la route, hein. C'est nous, on fait que suivre les, voilà, les indications. Quoi. Excusez-moi, mais il y a un très mauvais proverbe d'ailleurs. Il y a aucun sens qui dit que toutes les routes mènent à Rome. C'est faux. Toutes les routes mènent aux juifs. Voilà, c'est la réalité telle qu'elle est. Alors du coup, oui, revenons-en à la porte cachée. Gros fils de pute. Voilà, la porte cachère, comment dirais-je, Bagdav est le plus indiqué pour nous en parler. Yves Cochet a un projet pour nous. Donc Yves Cochet, qui est vraiment, mais quand je vois sa gueule, mais il n'y a qu'une cervelle en fait, tu vois. Il a une tête en forme de poire, mais c'est dégueulasse. Donc lui, c'était quoi son projet? Oui, voilà, son projet, c'était dans un tweet. Hein, voilà, il faut que nous fassions moins d'enfants, nous, blancs européens, goy, on s'entend, pour pouvoir accueillir du migrant. Donc nous devons faire moins d'enfants pour accueillir du nègre qui pond pour faire de la place. Voilà, non, mais putain, oui, c'est ça. Sale enculé, voilà, à mettre au bout. Je ne sais quoi. Parce que voyez-vous, vous qui travaillez, hein, vous les blancs, là. Vous les blancs, en ayant une activité autre que celle de se lever à 15h, aller baiser des chèvres et être dehors toute la nuit à picoler. Alors, permets-moi de t'arrêter. Vous qui travaillez, qui produisez quelque chose. Oui. Tu dis, il baisait des chèvres, mais si seulement il ne baisait que des chèvres, ça irait. Oui, bien. Oui, bah des chèvres et des putes européennes qui passent par là, peut-être. Non, même au-delà de ça, vu la natalité débordante de cette race. Bon, baiser tout être. Tout être mouvant, hein, vivant, conscient, je sais pas. Tout bipède, quadripède, tout mammifère, quoi. Ouais, non, mais même des objets qui bougent, je pense que ça passe, quoi. Ah oui, puisque on en avait retrouvé un en train de baiser un tuyau d'échappement plus d'une année de ça, je sais pas si vous vous rappelez. Enfin, je te laisse continuer. Voilà, donc il faut que vous compreniez, chers auditeurs, que vous, qui bossez, qui a une activité productive, quand vous faites quelque chose, vous produisez du carbone. Et ça, Yves Cochet, il aime pas le carbone, il n'aime pas. Lui, il préfère du nègre qui se lève à 15h, qui va baiser... tout ce qui est mouvant, pas fort, vivant ou non, qui est articulé, hein. Ça lui plaît parce que ça ne consomme pas trop de carbone. Donc nous deux, voilà, les salopards, hein, les blancs, hein, les fils de pute, hein, disons-le, vous devez laisser la place, hein, à ces êtres qui ne consomment finalement très peu de carbone, hein. Voilà, c'est normal. C'est normal. En fait, ça traduit assez bien ce qu'est la secte millénariste écologiste. Oui, tu rajoutes une petite pincée de boomer dessus, parce que le type est quand même appartient à cette génération. Oui, oui, c'est-à-dire que les mecs vont mourir, hein, de toute façon, donc ils s'en foutent en fait du futur. Non mais c'est vrai, en plus, il y a d'anarcho-écologisme là-dedans. Alors ils s'en foutent, apocalyptique. Ouais, non, mais ils s'en foutent, mais quand même, les blancs, ça serait bien qu'ils crèvent. Hein, ouais. Oui, bah, non, mais c'est lié. C'est, ouais, mais ils s'en foutent pas, ils veulent. C'est-à-dire qu'après moi, le déluge, hein, c'est quand même ça. Oui, je pense que ces gens ont décidé que l'humanité devait disparaître. L'humanité blanche, uniquement. Oui, c'est l'humanité, donc. Hein, oui, l'humanité, oui. Non, mais je précise quand même pour ceux qui pourraient avoir des doutes. Oui, ceux qui ne seraient pas encore, en fait, des frontières. Oui, totalement des formés. Frontières, oui, hein, des frontières. Je suis pas au courant de la géographie. La géographie de la biologie aussi. Hein, de la biologie. Ouais, ouais, je vais leur citer mot pour mot, hein, pour pas oui, vous accuser d'avoir déformé des propos. Au contraire, les pays riches sont les premiers à devoir décroître démographiquement. Ce sont eux qui ont le mode de vie le plus polluant. Par ailleurs, limiter nos naissances nous permettrait de mieux accueillir les migrants qui frappent à nos portes. Et même cette saloperie d'Eric Ciotti dit que ses propos sont délirants. C'est pour vous dire le niveau des strates très très élevées de l'atmosphère. Ouais, j'aurais pas dit que c'était délirant. Je pense que bon, ça fait plusieurs années qu'il a mûri cette réflexion-là, qu'il s'est forgé un avis. Bon, je sais pas. Il y a des trucs dans les civilisations autres, hein, en Orient par exemple, tu as des. En Iran, hein, par exemple, tu as l'ayatollah Khamenei, hein, qui est Khomeini, Khomeini. Ouais, c'est sûr, ouais. Non, enfin, non, c'est Khomeini. Là, mais attendez, il y a le fondateur de la République islamique. Ah, le fondateur, c'est Khomeini. Hein. Ouais, ben celui qui est, quand il a vu Salman Rushdie arriver, il lui a mis une fatwa sur, il lui a dit bon, voilà, toi, bon, lui, c'est un enculé, son sang illicite, hein. Voilà. Ben bon. Je sais pas. Et donc toi tu fais une équivalence, tu dis en gros c'est un peu la même chose. Bah tu appelles à génocider ton peuple. Bon, c'est quelque chose qui sort pas de nulle part. Oui, c'est clair. Oui, oui parce que c'est ce qu'il explique en fait. C'est ce qu'il explique. Je pense que nous avons à apprendre des mœurs, des pratiques orientales. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour le moment. Je dis que tous ces groupes, en fait, pseudo-écologistes, en fait, sont des groupes religieux millénaristes, comme on en connaît à toutes les époques. Et évidemment, la forme n'est plus chrétienne, ça va sans dire, mais il y a toujours cette idée, si vous voulez, que pour les adeptes, il faut donner un sens à la vie. Il faut donner une explication, si vous voulez, temporelle. Il faut donner un sens. Pourquoi? Quelle est votre finalité, quoi. Et donc, chez ces groupes-là, qui sont des groupes d'extrémistes, hein, ce sont des sectes, au sens strict, il ne faut pas le sous-estimer. Hein. Ces gens vivent dans une temporalité totalement différente de la nôtre. Donc, ils sont convaincus, si vous voulez, que nous allons vers un cataclysme, une apocalypse immédiate. À l'échelle, alors eux, c'est bien sûr, c'est toujours à 10 ans. Les 10 années passent, il n'y a rien qui a vraiment changé, c'est à 20 ans. 20 années ont passé, et les types baladent comme ça, et c'est exactement comme toutes les sectes, c'est-à-dire qu'il y a toujours un nouvel horizon, il y a une nouvelle explication, oui mais vous comprenez, il y a eu un empêchement, etc., voilà, un imprévu. Bon. Et en fait, il y a des gens qui manipulent ces gens-là, bien sûr, pour des intérêts bien compris, quand vous voyez toutes les grandes puissances financières parler de réchauffement climatique, contre toutes les... en l'absence d'un total... consensus scientifique, pensez bien qu'il y a anguille sous roche. Quand vous voyez Macron arriver face au peuple en voyant le mec se déplacer en jet privé, vous dire que voilà, on va crever parce qu'on émet trop de carbone, si le mec était sincère et s'il savait que c'était pas une escroquerie, il serait pas en train de se déplacer en avion dégageant je ne sais pas combien de tonnes de carbone. C'est une escroquerie, c'est pour tromper les gens. Bon. Donc il y a ces gens-là qui sont des gens qui manipulent ces groupes, et ces groupes qui sont des minorités extrêmement agressives, qui s'en prennent, avec la bienveillance du pouvoir, aux petites gens. Je dis aux petites gens, les gens vont dire, mais de quoi il parle, il est complètement con, il invente des trucs. Non, regardez, vous avez maintenant des bouchers en France qui sont attaqués par des groupes, si vous voulez, d'illuminés, de ces sectes, qui disent, voilà, dans 2 ans, c'est l'apocalypse si on n'arrête pas de manger des vaches. C'est ça. Bon, ça fait des millénaires que les hommes mangent des vaches, mais bon, il n'y a rien à faire, les mecs en démordent pas, dans 2 ans, c'est l'apocalypse. Si on n'arrête pas de bouffer des vaches. Alors ensuite, on augmente vos impôts sur votre carburant parce que ça va pas, et puis ensuite, et puis ça n'arrête jamais, évidemment. Donc, tout ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'avec Yves Cochet, vous avez des gens qui sont attention, Yves Cochet, c'est pas le, c'est, il vit pas sous un pont, hein. Faut pas se tromper, hein. C'est des gens qui ont des trains de vie que vous n'aurez jamais. Pour 99% des gens qui nous écoutent, hein. Des anciens ministres, avec tous les revenus qui vont être prélevés, bien évidemment, sur le peuple. Ces gens-là n'ont aucun problème pour bouffer, hein. Par contre, ils vous font la littérature sur le même sujet. Mais ce sont des radicaux à leur façon. Et ils vont vous dire, voilà, c'est pour ça que j'utilisais le terme de Khmer vert, ils vont vous expliquer qu'il faut massacrer la moitié du peuple, il faut les génocider économiquement, les euthanasier, si vous voulez, pour que demain, peut-être, rayonne sur la planète une utopie dont on ne sait pas quelle forme elle serait, etc. Mais il y aurait des gens marrons partout, ça serait super. Mais ni vous, ni moi, ni Yves Cochet ne seront là pour voir si c'était vrai ou si c'était faux. Parce que c'est ça qui est bien avec leur formule politique et leur programme, c'est que vous ne pouvez jamais le vérifier. Vous ne pouvez jamais en vérifier la justesse. Hein ? Ils vous disent de les croire sur parole, de vous faire euthanasier par leurs soins, de les laisser en profiter, mais vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas censé être là pour passer après les faits et voir si c'est, la promesse a été tenue ou pas, comme toujours avec ces politiciens. Donc, c'est extrêmement radical. Des gens comme Yves Cochet sont extrêmement radicaux. Il y en a beaucoup de gens comme ça à l'ONU, etc. Toute une série d'organismes comme ça, où ces gens extrêmement radicaux et extrêmement riches planifient la mise à mort, en fait, de gens qu'ils considèrent comme inutiles. Et voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc il ne faut pas se tromper, hein. Quelqu'un d'autre là-dessus ? Ouais, c'est une variante de la religion de la Shoah, ce binarisme, quoi. C'est le petit bébé qui, au final, arrive à la même chose, c'est-à-dire le blanc doit disparaître. Ouais. Alors, pour en revenir aux écolos, qui maintenant sont au pouvoir, les écolos, parce que Cochet c'est un écolo, tu as Rugy et compagnie qui gravitaient autour, c'est quand même. Mais vraiment, en fait, c'est une bande de putains de bourgeois conservateurs, ni plus ni moins. Et ils méritent de dégager, ces enculés. Bah, est-il besoin de rappeler que les Verts sont noyautés depuis le départ par Daniel Cohn-Bendit, hein, voilà. J'ai oublié. Ah oui, oui. Oui, en fait, c'est ça, c'est... La question de l'écologie, ce qu'ils appellent, enfin ils s'en foutent en fait. Pour eux, en fait, il ne s'agit pas de sauver les animaux, ils s'en foutent. C'est simplement d'appliquer le marxisme à tout ce qui peut être utile politiquement. Donc c'est les rapports hommes-femmes, le marxisme, ça donne le féminisme. L'écologie, enfin appliquée au vivant, ça donne l'écologisme. Enfin, je veux dire, c'est le marxisme appliqué à tout. Donc c'est la sémitisation. De tout ce qui peut être intelligible pour l'homme, en fait. C'est en ça que les juifs sont des destructeurs absolus. Et quiconque essaye de faire semblant... Bah, d'abord, quiconque essaye de résumer la question à le fait d'aimer ou pas les mœurs des juifs, alors là, c'est tellement en dessous de la question, la question qui est posée, ce sont les ravages de la sémitisation mentale des populations. Donc c'est une question profondément spirituelle. Donc, il s'agit d'infliger une défaite définitive aux Juifs sur le plan intellectuel, parce que sinon, et là pour le coup c'est vrai, non seulement l'humanité va disparaître, mais en plus la planète. Parce que si on laisse le sémitisme triompher, ça va être la destruction de tout ce qui existe sur cette terre. Hein. Parce que le Juif ne se nourrit que de la destruction. Et toutes ces idées sont des idées extrêmement destructrices. Là, c'est ce qu'on vient de dire, hein, je veux dire, le féminisme, c'est ça, c'est la guerre des sexes. C'est pas la paix des sexes, c'est la guerre des sexes. Mais ça n'empêche pas le juif de présenter sa soif de guerre à l'humanité et à tout ce qui existe d'ailleurs sur cette planète comme une forme de paix. Oui, si on veut. On peut qualifier l'hiver nucléaire de paix. Hein, voilà, l'hiver nucléaire juif est une forme de paix, ce qu'ils appellent le shalom, effectivement. Oui. Mais acte 8 des Gilets jaunes, alors bon, on peut pas rentrer dans tous les détails. Je pense que les gens sont quand même relativement bien informés. Est-ce que vous voulez parler d'un point en particulier de cette mobilisation ? dont on peut dire que c'est un succès. Oui, non, il faut dire que la mobilisation a encore baissé. Je me tue à le dire chaque semaine. On part de zéro et puis on baisse depuis le départ. Ouais. Et là, du coup, ça a encore plus baissé que d'habitude, parce qu'il y avait encore plus de monde. Voilà. C'est bizarre, hein. Bon, la logique hébraïque, assez secret, inaccessible au kidam des goïm. Donc, je suppose que BFM TV, aux mains de Drahi, a des méthodes de comptage particulièrement efficientes. Donc, on fera avec. Des épisodes en particulier ? Ce qui m'étonne, en fait, c'est l'arrogance de ces joueurs de... Alors, l'arrogance de ces joueurs de... Poker. Poker, oui. Oui, poker. Les mecs, ils ont tous dit, allez, on va mettre le paquet question communication pour dire que bon, ça y est, maintenant, le moment est terminé, que l'année est terminée, qu'on allait passer à autre chose. Que dalle. Que dalle. Et ça, c'est bon, parce qu'ils sont tous mis. Le gouvernement, les médias, les grands partis, ils s'y sont tous mis, et finalement, mais absolument rien. Les gens, ils ont fait leur fête de fin d'année. Le premier samedi de l'année, ils sont présents sur les ronds-points. Écoute, c'est une très très bonne chose. Moi-même, le samedi en début d'après-midi, j'étais dans les manifs. Il y avait plusieurs centaines de personnes pour une ville de taille moyenne. Il y a eu plusieurs épisodes. On a notamment vu le boxeur mythique sur Paris. Oui, on peut le dire. C'est Christopher Dettinger ou Dettinger. Ouais, Christophe, de son prénom. Christophe, autant pour Christophe. Qui a avancé tel un bélier il sort du ciel. Oui, c'est-à-dire que Zeus a envoyé son fils, tu vois, voilà. Un demi-dieu qui est venu, combattre les forces obscures. Les forces obscures du Mordor, et plus précisément des Juifs. Voilà. Tout le monde a compris, mais enfin, il faut quand même le préciser. Cette avancée-là qui a fait le tour du monde. Mondialement connu maintenant. Ah bah oui, c'est ce gaillard très solide, effectivement, mondialement connu. Donc ça a été c'était, je pense, le moment de ce regain, de cette nouvelle année. La conquête du pont. On a eu un autre moment aussi qui a été l'expulsion de Griveaux. Hein, Griveaux, quel est le nom de sa compagne, ce monsieur Griveaux? Minkowski. Voilà, Minkowski. Dont le grand-père était particulièrement hostile au christianisme, au blanc et très favorable à l'immigration. Voilà, donc un juif, bien entendu. Voilà, un juif. Pourrait-on dire un youpin une sale youtre, oui. Oui, tout à fait. Hein. Donc ce Benjamin Griveaux qui a toujours un sourire particulièrement gênant sur sa gueule, qu'il a ricané, ce type-là ricane. Il ricane, il est particulièrement odieux, c'est-à-dire c'est le chien de garde de la pute Macron. Hein. Il fait le toutou. Quand il voit Macron, il ouvre la langue. Il rigole comme une hyène. Il rigole comme une hyène. Alors moi j'avais vu je crois que c'était un reportage de Moati, qui était sorti juste après l'élection. Et tu le voyais à chaque fois, il était là, il était assis dans un coin, et puis il sortait des saloperies, tu vois. C'est le fils de pute, quoi. Et donc, c'est vraiment très bien que ça lui soit tombé sur la gueule. C'est-à-dire que tu as des mecs qui sont arrivés avec une transpalette. Et qui ont... La charge du transpalette. Le Fenwick, putain, un coup de Fenwick. Oh là là. Voilà. Et donc les gars sont arrivés au Fenwick et ils ont ouvert la porte, ils sont allés foutre un petit peu le bordel dans la cour. Et donc Benjamin Griveaux, La légende raconte que une olive se serait glissée entre l'arrêt de ses fesses et qu'il en aurait tiré 10 litres d'huile, hein, tellement il serrait fort. Voilà, c'était très beau, c'était magnifique. Dans la journée de samedi, j'en étais presque à espérer un pogrom. Ça aurait pu arriver, c'était particulièrement merveilleux. Les ministères pris d'assaut, les anges juivés sur la déroute, parce que là, l'autre il est parti en courant, hein, il a abandonné son poste. Oui, il a fait de l'huile. Il a fait de l'huile. Non, je pense qu'il a eu très très très peur. A raison, hein. Il n'est pas tout seul à avoir peur, parce que on en a parlé. Il y a tout un groupe qu'on appelle la synagogue, hein, le Kahal aussi, oui. Le Kahal, la juiverie organisée, hein, qui est totalement aux abois. Hein, c'est flagrant. Et ceux qui n'ont pas compris qui le mouvement des Gilets jaunes gênait. Alors je ne vais pas les conseiller d'aller chez Afflelou, mais ça serait, oui, c'est parce ça serait malvenu. Pas Afflelou, oui. Non. Ça serait malvenu. Mais comment dirais-je, d'aller chez l'ophtalmo. Oui, ils ont peut-être un petit peu trop de soleil, qu'ils prennent les lunettes françaises, des vues harnais. Voilà, ils y vont un petit peu plus clair. Ça, parce que là, c'est clair. Bien choisir l'opticien. C'est-à-dire que les gilets jaunes n'ont peut-être pas conscience d'être antisémites. Mais les juifs ont très très conscience que le mouvement des Gilets jaunes est antisémite. Ça fait pas l'ombre d'un doute. On va se jeter un petit peu des fleurs quand même, parce que bon, effectivement. Pourquoi pas, après tout. Si on le fait pas nous, on va pas le faire à notre place. Hein. Donc, nous avions, au vu des mots d'ordre qui étaient à la base des Gilets jaunes, nous avions pressenti, de fait, hein, des éléments que les juifs n'aimeraient pas. Vous vous rappelez à la manifestation nazie du 17 novembre, la première? Oui. D'ailleurs, un ministre israélien. Ça en était plein, oui. Ça en était plein. Il dit... chauffeur de sortie. Force est de constater que. La prophétie a pris forme, hein, mais c'est... quand les nazis commencent à faire des prophéties, en général. Voilà, quand les nazis commencent. Celles-là sont vraies. Quand les juifs font très exactement ce que les nazis leur disent de faire. Chers amis, l'avenir est radieux. Ah, il faut lire les tweets de ce bon Bernard-Henri Lévy, qui à chaque manifestation populaire dans le pays du monde, soit la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, est bille en tête pour condamner les violences de l'État. Ah là, tiens, c'est marrant, c'est bizarre, les méchants, enfin les gentils plutôt, hein, c'est les gilets jaunes. Ça, c'est bizarre, hein. Le retournement, c'est peut-être pour Israël. Bernard-Henri Lévy était, à chaque fois qu'il y a des émeutes en Iran, c'est la caricature du juif, quoi. C'est-à-dire que le type exulte, il est là, la démocratie, les droits de l'homme, qu'attend l'ONU, etc. Alors, par contre, dès que les troubles ont lieu pas très loin de ses fenêtres, là tout d'un coup, il applaudit les CRS, la police anti-émeute, mais comment se fait-il que la répression n'est pas plus forte, voilà. C'est une caricature d'ignoble juif. Et vraiment, ce mouvement des Gilets jaunes, outre qu'il montre la duplicité totale de ces pseudo-organisations populaires, les syndicats, la CFDT qui appellent à la répression, la CGT de la même façon, tous les partis coalisés, les Républicains qui sont là en train de... qui lèchent le cul des flics, en train de tabasser le peuple, c'est extraordinaire. Enfin, tous les masques tombent, et il n'y a pas que les masques de ces organisations qui tombent, il y a aussi surtout le masque hébraïque qui tombe. Et là, le juif est confondu. Le juif est confondu, il se livre tel qu'en lui-même, ignoble, persécuteur et pourfendeur du peuple. Voilà, personne ne peut plus s'y tromper, quoi. D'ailleurs, je ferai remarquer à nos auditeurs, hein, s'ils l'ont peut-être remarqué d'ailleurs de leur côté, Bernard-Henri Lévy a quitté la France. Hein. Il se trouve... Il s'exprime depuis Marrakech, au Maroc. Voilà, il tweet depuis Marrakech, mais quand il tweet depuis Marrakech, ça se voit sur Twitter, et donc il efface ses tweets après pour lever. pour qu'on soit, pour qu'on oui, croit, en il fait, il a commis une erreur. C'est-à-dire qu'il a commencé à tweeter voilà. sans enlever l'option géolocalisation. Voilà, donc les gens ont vu que le roi... Enfin, c'est, une vieille hein, c'est une vieille habitude, ça, quand même, de la part oui, des oui, juifs. De... Oui, oui, le roi Lévi, hein, là, il sent que, bon, ça bon, bah, de toute façon, le Lévi, c'est un lévite, hein, donc c'est un serviteur de prêtre. Et puis, il y a les Kohanim aussi, il y a les Kohen, hein, qui sont les prêtres. Oui. Voilà, alors eux, ça, c'est l'avant-garde du problème. On avait eu aussi Attali, hein, un vendredi soir, juste avant les Gilets jaunes, il était parti aussi. Oui, c'est bizarre, oui, il y a beaucoup de voyages. Ces gens ne sont pas sereins, ils regardent derrière eux quand ils marchent. C'est ça. T'es dedans pour des gens qui n'ont rien à se reprocher. Bah oui, des gens innocents qui œuvrent, enfin, excuse-moi, qui réparent l'humanité, hein, Tikkun Olam. Oui, qui répare, Répare le monde. Il répare le monde, voilà. Oui, c'est alors sur ce boxeur mythique alors moi j'ai adoré le numéro de victimisation des forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'il nous explique quand même que des types en surnombre, suréquipés, recouverts de plastique dans tous les sens, boucliers, casques, visières, matraques gazeuses. Attends, je t'arrête tout de suite. Le boxeur avait un bonnet, il se protégeait. Ah donc, oui. Il était là pour foutre la merde, il avait un bonnet. Voilà. Bonnet, donc, c'est une arme, le bonnet. Non, mais le truc, c'est, je vais reprendre un mythe juif, c'est David contre Goliath. Eh oui, c'est pour ça qu'ils aiment pas. Mais c'est pour ça qu'ils aiment pas. C'est pour ça que tu les vois. Hein, voilà. Ils sont grincheux, hein. Et donc, les gens se solidarisent immédiatement entre le type qui arrive alors qu'il a un handicap incroyable, c'est-à-dire qu'il n'a pas de protection, etc. Il surgit de nulle part, enfin, il tombe du ciel, littéralement du ciel, et il met en déroute toute une série de flics chargés de défendre cette république juive. Et évidemment, c'est une humiliation, mais une humiliation pour ce régime, une humiliation pour ces flics, hein, qui ont quand même pris leur chèque à la fin de l'année, sans trop s'en vanter d'ailleurs, hein, ils étaient bien contents de l'avoir, et là ils sont là, mais on se fait... Non mais c'est fort quand même. Les types sont blindés de protection, ils tabassent le peuple, ils les gazent, ils les tabassent, ils balancent des tirs de flashball, il y a un bonhomme qui arrive... Il a même pas blessé le mec en plus. Je veux dire, il a juste donné des coups de poing dans du plastique, mais ça a suffi à mettre en déroute cette clique. Et là, les mecs sont là, waouh, au secours, mais on est. Ça me rappelle un type de réflexe qu'on trouve chez une certaine population. Vous voyez, c'est très désertique en fait comme réaction. Oui, hein. C'est très oriental comme. Ouais, c'est lequel le syndicat qui a crié au scandale, le syndicat des tous universellement tous. En fait, c'est le syndicat kebab, la Zet Alliance. Non, c'est même pas ça. C'est la franc-maçonnerie qui a hurlé de douleur. Je crois que c'est le syndicat des commissaires. Oui, mais ça veut rien dire. Non, mais ça veut rien dire. On parle de syndicat. Il y a pas de syndicat dans la police. Il y a la franc-maçonnerie dans la police. La franc-maçonnerie, c'est la juiverie de synthèse. Voilà, c'est ça. Donc, la franc-maçonnerie a hurlé à la mort parce que un bonhomme a mis en déroute leur larbin. Je suis censé pleurer, moi, là-dessus ils sont vraiment détestables, quoi. Enfin, moi, je suis non, mais pas, attendez, ça fait 2 mois non, mais... qu'il y a des images qui circulent dans tous les sens où tu vois les types. Oui, bien sûr. Ils éborgnent des gamines, etc. Les mecs sont là. Mais attendez, regardez, comparez ça. Il y a une gamine qui a perdu son œil après s'être pris un tir de flashbone en pleine face. Vous avez entendu un média hurler à la mort en disant « Mon Dieu, au secours, la République est en danger !» Ça n'a pas du tout été médiatisé. Hein. Voilà. L'autre, il se prend un coup de poing dans son casque plexiglas, etc. T'as les mecs qui sont là « Mon Dieu, au secours, la barbarie !» Non mais voilà, ça c'est hollywoodien. C'est juif de bout en bout. La franc-maçonnerie donne du sien, et t'as ces flics gavés de blé qui viennent encore chialer parce qu'en fait ils sont payés pour se prendre des coups dans la gueule, parce que c'est quand même ça, sinon ils n'auraient pas des boucliers ou des casques. Enfin, Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que encore une fois, et comme depuis le départ, cette narration qu'ils essaient de mettre en place ne passe pas. C'est-à-dire que toutes les ficelles habituelles ne marchent plus. Je pense que si tu veux dans le truc des gilets jaunes, quelque chose qui est dans le fond, ça a été la limitation à 80 sur les routes. C'est-à-dire que les gens prennent la bagnole tous les jours, ils font gaffe au radar, ils font gaffe à leur vitesse et tout. Les radars sont là pour les taxer, quoi. Hein. Ils ont vu que ça marchait. Bon, que les gens, bah, du coup, putain, avant, ça fait quand même chier. On a mis des radars et les mecs, ils roulent à la bonne vitesse. Bon, ça va pas, on baisse. Et là, y a beaucoup de gens que ça a énervé. Ça leur a pas plu. Moi, je l'entends parler des petits gens, quoi. Pas politisés pour un sou. Et ils ont senti le mépris là-dedans et que vraiment, on essayait de leur foutre au cul. Voilà, c'est très clairement. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que. Les gens se domestiquaient, ils baissaient leur vitesse et tout, etc. Mais là, c'est arrivé au moment où non. Quoi. Là, ça marche. Tu veux dire que bon, c'était une encule fiscale, oui, c'était une raquette organisée, mais l'explication en question, qui a été de dire oui, machin, la sécurité routière, machin, là, les gens se sont dit non, là, c'est clair, on nous ment. Ben oui, on essaie de nous enculer, c'est-à-dire que la mortalité sur les routes n'est plus du tout ce qu'elle était par rapport à il y a 15 ans, ça a dû baisser par 2 ou par 3, ouais. Et toi, tu te dis que à partir de cette escroquerie-là, les gens, en fait... C'est pas ça, c'est qu'à partir du moment, où tu n'as plus le réflexe de t'auto-domestiquer, ouais. Par rapport à la contrainte que te met l'État sur la gueule, ouais. Ben, toutes les autres contraintes qu'on essaie de te mettre, ça glisse dessus. C'est-à-dire que la contrainte... Tu rentres dans une logique de rébellion, en fait. Tu dis, voilà. Ben, c'est ça. C'est pour ça que dès le départ des Gilets jaunes, on a vu des vieilles qui étaient à Paris qui disaient « Ah oui, vous condamnez la violence, vous condamnez !»« Oh, non, pas spécialement, la violence, c'est très bien, hein. Écoutez, vous dire... » n'importe quoi qu'on fasse, ça ne bouge pas. Et ça, ils ont pas capté encore. Ils n'ont pas compris que tout leur truc, tout leur discours qui marchait avant, c'est-à-dire qu'on mettait un petit coup, tu vois, et puis les gens, ils avaient peur, on rentre dans le rang, on fait comme il faut, on baisse la tête, et ça va. Ben là, ça marche pas. C'est-à-dire que dès qu'ils ouvrent la bouche pour monter le ton, ben ça a l'effet inverse. Ils ne comprennent pas et ils sont pas prêts de comprendre. Très bien, ça va continuer on va rigoler. Hein. Donc, je pense que les semaines qui arrivent vont être absolument rigolotes. Oui, je crois. Quelqu'un d'autre là-dessus sur autre chose. Hein. Oui. J'ai une petite remarque. Comme ça, en passant. Hein. L'histoire du boxeur de tout à l'heure, hein, comme d'ailleurs peut-être aussi d'Éric Drouin, je pense que le mouvement des Gilets jaunes, bah, il cherche ses héros. Il cherche ses héros d'une part, et il a déjà ses martyrs d'autre part, et il y en aura sans doute d'autres. Bah, je pense que ce mouvement est occupé à se cimenter en réalité. C'est ce que je crois. Alors tu dis cimenter, pourquoi cimenter ? Ben, je viens de le dire, parce qu'il a besoin de héros, il a malheureusement l'obligation d'avoir des martyrs, comme dans tout mouvement qui se durcit, qui se maintient dans le temps, et qui doit affronter, trouvé d'une certaine façon une certaine responsabilité avec ce que cela implique, les héros et les martyrs. Alexis. Oui, bah, sur la question de la violence, alors d'abord, effectivement, il y a les martyrs, il y a des gens qui ont vraiment pris très très cher, qui sont handicapés à vie. Donc il y a des gabinets borniers, d'autres qui ont pris dans la mâchoire, des mains arrachées par des grenades de désencerclement, et puis même les lacrymos elles-mêmes, ça a dû faire du dégât, parce que j'ai pu tester. Ouais, mais je t'arrête tout de suite, il y a quand même un policier qui s'est cassé un ongle. Les larmes inondent mon visage. Voilà. Je voulais dire aussi une chose. Voilà, la violence... Je voulais le dire quand même parce que la République. Bravo. Bravo. Et la violence, d'abord, c'est pas que la violence physique. À supposer qu'une idée gilet jaune qui fasse de la violence physique, ce qui est faux, bien sûr. Même si c'était vrai, il y a aussi la violence. D'abord, c'est la violence qui leur est faite. Eric parlait de la vie quotidienne des gens qui a changé parce que leurs limitations, les vitesses sont limitées. Ils se sentent humiliés, ils se sentent, etc. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a un certain nombre de gens qui ont quand même envie d'avoir un emploi. Certains ont parfois un mi-temps partiel ou sont en intérim, ou d'autres sont au chômage. Et ceux qui s'engagent dans les gilets jaunes, c'est qu'ils n'ont pas intérêt au statu quo. Donc ils ont envie d'avoir quelque chose. Et les réponses du gouvernement, c'est quoi? C'est de dire on va durcir les sanctions. On ne fait rien pour éventuellement améliorer un petit peu le marché de l'emploi, pour faire en sorte que peut-être les entreprises aient un peu moins de charges et que peut-être, je ne sais pas quoi. Ça reste une question que l'on peut traiter par ailleurs, hein, pas aujourd'hui, mais il n'empêche que le gouvernement, les gilets jaunes ont le sentiment qu'on leur fait violence. Et il y a la violence physique des policiers et il y a la violence morale aussi. D'abord, on parle bien d'harcèlement moral, donc la violence n'est pas que physique pour commencer. Voilà. De ce que j'ai lu dans la presse, hein, c'est des confidences en fait dans la presse qui circulent, donc sur l'attitude que le gouvernement a adoptée, l'attitude qu'ils ont choisi pour laquelle ils ont choisi d'opter, c'est sécuritaire répression. Donc c'est plus de flics, plus de procès, donc vous imaginez, comparution immédiate, etc., plus de prison ferme. Il y a un gilet jaune qui a pris 2 ans de prison ferme pour des trucs complètement dérisoires. Il leur a balancé un extincteur. Enfin, vous imaginez le truc. On ne sait pas trop comment, dans quelles circonstances. Enfin, 2 ans ferme, ça fait marrer, surtout quand on voit ce qui s'est passé pour le Nouvel An. 1000 véhicules incendiés en France, ce que n'ont jamais fait les gilets jaunes, permettez-moi de le dire. Hein. Je veux dire, il y a eu des scènes un peu de violence dans Paris-Centre de la part de casseurs d'extrême gauche. Oui. On n'a jamais approché les 1000 véhicules cramés. Hein. Mais je t'arrête tout de suite. Bon, en l'occurrence, pour le 31, ce sont des voitures de pauvres qui brûlent. Effectivement, c'est pas le 16e, effectivement. La Merco blanche qui a brûlé pour l'acte 8, on l'a filmé sous tous les angles. Tous les angles. Voilà. Donc effectivement, les voitures d'Ashkenaz ont un peu plus de valeur que les voitures de même des Rabza de banlieue. Alors du coup, il ne s'agit bien évidemment pas de la justice pour la justice et de l'autorité pour l'autorité. Il y a une certaine forme d'autoritarisme dès lors que ça concerne les blancs qui travaillent. Et alors là, il s'agit de les faire retourner au boulot, fissa, à coups de pompe dans le cul, à coups de matraque, à coups de gazeuse, voilà. Les flics sont d'ailleurs payés pour ça, ils ont même des augmentations pour ça. Leurs syndicats sont très très contents, ils s'en frottent les mains. Et donc, on nous demande en plus, enfin on demande au prolétariat en plus, hein, après s'être fait savater la gueule, d'avoir quand même de la compassion. Pour les fonctionnaires de ce régime juif qui leur tapent sur la gueule. Bon, moi j'ai quand même un peu envie de dire d'aller à tous ces bons moments, d'aller se faire foutre. Hein. Bon, je crois quand même trahir la pensée générale. Ils peuvent toujours courir hein, s'ils pensent que le peuple va pleurer sur leurs flics passablement abîmés lors des manifestations parce qu'ils essayent d'imposer la politique de Macron qui est quand même à base de migrants et d'augmentation d'impôts. Voilà. Moi, je pense que le gouvernement, enfin que Macron a choisi maintenant sa seule. En fait, il y a plus de politique en France. C'est maintenant le tonfa. Voilà, ça c'est voilà, c'est tout. Tonfa, arrestation, résidence surveillée, ça va arriver, ça beaucoup. Voilà, on va faire. Voilà, il y a des gens à 6h du matin, ils vont avoir des visites à domicile. C'est la gouvernance au jour le jour, quoi. Voilà. On ne sait pas ce qui se passe. Quoi. Alors d'ailleurs, Bernard-Henri Lévy n'a pas retweeté ce que disait Amnesty International de la gestion des manifestations en France. C'est curieux. Je pense qu'il est plus intéressé par les manifestations en Iran qu'en France, en fait, hein, déjà. Ah oui, bah oui. Bah c'est et... ça, si tu veux, c'est le... Oui, bah c'est... En fait, c'est parce qu'il est très préoccupé par l'Occident, Bernard Lévy, tu vois. Oui, bien compris, Nos préoccupations, si tu veux, à nous, Français, c'est que les femmes en Iran portent le voile ou non. Voilà. C'est de ça dont nous... Nos alliés le disent, hein, Gilles William, hein, notre cher Gilles William. Les Français peuvent voir ce que sont ces Juifs, quoi. Toute cette clique, quoi. Ils ont et leurs serviteurs. Et leurs serviteurs, bien évidemment. Et là, ils ont essayé de nous faire tout un numéro avec la Zieb, machin, le truc, c'est sorti. Alors, la bougnoule présentée en héroïne, encore un machin. Ah oui, la Zineb, ouais. Oh là là, mais ça sort de Charlie Hebdo, c'est des machins, ça fait des années. Et tout d'un coup, c'est partout. Et ils voient que ça prenne pas. Pourquoi ? Parce que sur le voile islamique, mais il y a plus de débat. Là, vous avez remarqué comme à chaque fois les Juifs vous sortent une créature du Maghreb qui pour vomir sur l'islam. C'est curieux ça. Oui, alors oui ou alors, enfin, c'est leur créature à eux pour dire ce qui va dans leur sens. Ça ne va pas être une blanche qui non, va dire. Regarde. Mais rendez-vous compte de l'islam, l'islamisation, c'est non. Le truc qui est piégé, c'est-à-dire que tu ne peux pas retomber sur un réflexe raciste. Donc, non, mais Attends, simplement. Donc, la diversion utilisée par les Juifs, c'est de parler d'islam. Parce que ça peut appeler aux masses séduites par le populisme. Ils ne sont pas cons. Mais en même temps, la dynamique engendrée avec ce type de débat ne peut pas être intégralement populiste, c'est-à-dire raciste. Donc, il faut que ça soit piégé à l'origine. Donc, ils te sortent une maghrébine. Pour que les gens disent cette maghrébine elle a raison, voilà. Cette maghrébine, ils te balancent ça en plein milieu des fêtes de Noël, on sait même pas pourquoi machin, ouais. Et de mobilisation des gilets jaunes. C'est une escroquerie. Écoute, cette nana là, c'est la version sécularisée de l'imam Chalgoumi. C'est le golem des Juifs, c'est-à-dire le machin qu'on sort. Chalgoumi, lui c'est la version musulmane. Bon, on a vu que le type était quand même trop gogol. Alors il a une ombre, hein. il a une ombre, enfin tout le monde a une ombre, mais Chalgoumi a une ombre, mais elle porte un nom, son nom. Alors c'est Jean-Christophe Lagarde, non, c'est ça le maire? Non. Vous la connaissez, est-ce que vous connaissez le nom de l'ombre de l'imam Chalgoumi? C'est Marek Alter peut-être. Eh ben c'est Marek Alter. Ah oui, aussi. Ouais, non mais Jean-Christophe Lagarde n'est pas loin, hein, parce que Drancy quand même. Hein, voilà. Mais oui. Mais me dis-tu que cet homme, visiblement, enfin, ce Lagarde, récemment a l'air de rechercher une certaine popularité dans le sud de la France? Oui, ça m'a beaucoup surpris. Oui. Je me balade ces derniers jours dans le sud de la France et je vois que le Lagarde a des affiches placardées un petit peu partout. Avec quel slogan? Je sais plus, je crois que c'est la droite humaine, un truc comme ça, fait quelque chose d'absolument horrible. Ah, c'est pas pour les européennes? C'est possible. Il fait la tournée des popotes. Là, la droite humaine. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Et puis, alors surtout, comme tu vois sa gueule, c'est-à-dire que, bon, excusez-moi, hein, le type a une gueule de citron vert, hein, mais moisi, tu vois, le citron vert moisi. Et il est là, il nous impose sa gueule, quoi, avec ses paupières, c'est son. Ben, je sais ce que je dis, c'est-à-dire qu'il a la joue flasque, le teint olivâtre, comment dirais-je là. L'œil trop clair, pâle, au point d'en être suspect. Oh, et au point d'en être coupable. Oui, maire de Drancy, là, c'est signé. C'est signé. Alors, parmi ces dotations parlementaires, il y a beaucoup, une bonne partie qui va aux associations juives de la ville. C'est pas étonnant. C'est curieux, hein, quand même. C'est un républicain, comme on dit. C'est un républicain, ça fait. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est un succès parce que toute la clique à Macron avait dit ça, c'est bon, c'est terminé, tout le monde rentre à la maison, voilà, allez, on commence l'année 2019 sur... Ah bah non. Oui, je remets de l'ordre, regardez-moi, la République, elle était, dégage sale fiotte, allez, pfft, du balai. Le truc qui est génial, c'est que les types t'expliquent, en gros, le jeudi, le mouvement est fini... C'est terminé. Mais non, mais le jour même, le matin sur BFM TV, mobilisation en baisse par rapport à la semaine dernière. Ouais. Et puis tu vois, et le soir, la République est sur le point d'être renversée. Enfin, voilà. La transition a été assez brutale, hein, quand même, dans la journée. Non, en fait, c'est pour ça, ne croyez jamais ce que racontent ces médias juifs. Franchement, tout ce qu'ils disent, c'est faux. Alors, ils mentent, voilà. Alors, bon, j'ai pas pu être sur place cette fois-ci, mais j'avais des collègues qui se sont fait gazer là, sur des péages, Et de ce sont côté, probablement quoi. les seules personnes qui n'ont jamais été gazées. Ah bah oui, tout à fait. Oui, les porcs. Et alors, je me suis régalé à regarder BFM TV. Alors, tu as une espèce de spécimen sur BFM TV, un type qui s'appelle Thomas Mizraki. Ah oui. Mon Dieu, cette tête. Pour les spécialistes des Juifs. Il est plus long que large. Oui. Je parle de la forme du crâne, hein. Oui, bah, il a une gueule de gerbille, en fait, hein. Il a une gueule de gerbille. Ça, ouais. Et, le Mizraki, si vous voulez, c'est un Misraïm. C'est-à-dire, c'est les Juifs. En fait, c'est même pas les Séfarades qui sont venus en France, qui sont fait expulser. Lui, c'est-à-dire. On fuit l'Orient. Il vient du Maghreb, quoi. C'est-à-dire, c'est une espèce de Juif qui est resté là pendant des siècles. Il a mariné dans l'huile. Et il est, et paf, tu vois, au 21e siècle, il arrive, il débarque sur les télés françaises. BFTV, voilà. Une tête de rat! Oh, punaise, mais il était là à pleurer. Alors, même, tu vois, t'avais même des communistes qui venaient le troller un peu. Il était là à pleurer. La haine contre les journalistes. Tu voyais son corps qui se tordait. Je sais pas si vous avez déjà essayé de. L'exorcisme. Est-ce que vous avez déjà essayé de brûler une paille avec un briquet? Vous voyez, le machin se tord dans tous les sens. Vous voyez, ça fait. La Mizraki, c'est pareil. Il était là, il se mettait dans tous les sens. Et à la fin, ça faisait un tissu de juif. Voilà. Une espèce de boule de juif. Absolument informe. Et il faisait un bruit. Enfin voilà, ce spectacle est tout à fait saisissant. Ben en fait, c'est ce que je disais, c'est l'exorcisme, c'est-à-dire que un peu de vérité, un peu de bien, tout d'un coup, les fait que leur corps commence à se tordre. Oui. Sous l'effet en fait de la cure en fait, hein, de le fait d'expulser le démon hébraïque, et tout d'un coup ils ont. Voilà, et c'est vrai que c'est saisissant comme spectacle, surtout que BFM TV, c'est vraiment la chaîne, juive par excellence. Alors, enfin, d'une tête par rapport aux autres. Parce que là, on ne les compte plus. Il y a Marie-Lou, comment ? Il y a une Lou, je ne sais plus comment, elle a un nom de juive aussi. Enfin, c'est une juive, quoi. Marie-Lou, je ne sais plus comment. Sarah Cohen. Ouais, Sarah Lou Cohen, le Misra machin, El Krif, mais on peut continuer comme ça longtemps. Nathalie Lévy. C'est un torrent, mais un torrent de mensonges hébraïques. Intégralement juive, et ça donne le ton en France. Voilà. Bah, c'est-à-dire c'est l'équivalent. Bon, écoute, non, il y a quand même mieux en France, il y a France Inter. Où là, bon, c'est. Je pense que même les gens qui nettoient dedans sont juifs. Tout le monde est juif. En fait, c'est peut-être simplement une radio intra-communautaire qui a laissé le canal ouvert pour les goy. On ne sait pas aussi ça. Il faudrait voir, mais je pense qu'il y a moins de juifs à Radio J qu'à France Inter. Je souscrirais assez. Sortez les calculettes. Voilà, mais en tout cas, bon, alors je pense en plus surtout que le fait, en fait, bon, ils sont là, les journalistes, etc. Bon, je pense qu'on peut plus vraiment distinguer les journalistes des juifs aujourd'hui en France. Très difficile. Il faut l'œil averti quand même. Ouais, voilà. Donc quand les gens se mettent à attaquer les journalistes, ils visent les juifs, il faut pas se mentir. Alors ils ne le revendiquent pas, mais c'est ce qu'ils visent. Donc bon. C'est une bataille perdue pour eux, parce que bon, là, je crois que c'est clair que si jamais les juifs se disent peut-être que dans 3 mois ça ira mieux, c'est terminé. Je veux dire, le divorce est consommé, comme on dit. Ils peuvent mettre toutes les chaînes juives de la terre en France, LCI, CNews, c'est trop tard. Les gens ne veulent plus entendre parler des mensonges juifs. Ça, c'est réglé. Hein, Mizrahi, Cohen, c'est terminé. Alors bon, je sais que ça va pas leur plaire, hein, mais bon, c'est quand même réglé. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur cette mobilisation? En plus, je sais pas, est-ce qu'on a tout dit? Je pense que oui. Oh, on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Ouais, petit... alors, je voulais juste rajouter un truc, c'est que bon, là, on a eu droit au tonfa des CRS. Pour 2019, on va avoir droit au décret Super Macron. Oui. Et au décret loi, à mon avis, par paquet de 10. Hein. Je pense que ça va être rock'n'roll. Bah déjà là, je pense que je vous dis, on va prendre la résidence surveillée, ça va généraliser. Hein, donc clairement, les Juifs vont interdire aux Français de manifester. Ils vont les sélectionner. Ils vont dire, toi non, non, toi tu non, tu vas pas dehors, tu sors pas, t'as pas le droit de marcher dans la rue. Avec Drouet d'ailleurs, l'interpellation, je pense que ça a été assez. Ça a été très bien ça. Oui. Voilà, je pense que les gens ont compris. Voilà, non, les Juifs décident de qui marche dans la rue et de qui ne marche pas dans la rue. Alors évidemment, c'est pas présenté comme ça, mais c'est ça. Enfin, nous, on le dit parce qu'on se donne les moyens de le dire, mais pour ceux qui ont du mal à décoder, c'est ça. Hein, les Juifs ont déclaré que Éric Drouet ne peut pas marcher dans la rue. Mais rassurez-vous, beaucoup d'autres vont suivre. Je pense qu'il va y avoir toute une série de lois, du coup, sur le droit de manifester. Alors, on va dire, pour respecter la démocratie, pour même développer la démocratie, il faut que moins de Français soient autorisés à défiler. Ça va être présenté plus ou moins comme ça. On va Internet, les réseaux sociaux aussi, je pense que ça va souquer sec, là, à mon avis. Oui, non, mais oui, puis bon, je pense que, bon, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête avec ces manifestations non autorisées qui mettent en péril la République. Et donc, il va falloir qu'il y ait des moyens de réaction proportionnés. Donc, il va falloir, à un moment donné, qu'on autorise les forces de l'ordre à tirer à balles réelles. À balles réelles, hein. Quand même le minimum. C'est quand même le minimum. Voilà, bon, dans les jambes, pour commencer. À la 762 est autorisé. Voilà. Mais républicainement. Oui, les gendarmes, hein, c'était récemment doté, certains, je crois que je ne sais plus quelles unités, ils s'étaient dotés de tu parles, oui, effectivement, de 7,62 en 39 chez CZ. Ah non, non, chez CZ. Non, pas 50, en 39 chez CZ. Ils avaient pris de. Oui. Bref. Ouais, mais est-ce que le rabbin a dit oui? Ben, un charré, c'est terminé. Alors, ah bah c'est bon. Ben, Jéhovah le commande. Jéhovah le commande. Ah, Jéhovah le commande. Donc, les blancs, vous devez mourir. Oui. Vite. Vite. Ouais, ouais. Très vite. Tu vois, pour 2019, j'attends quand même mais la dérive autoritaire de Macron en mode dur. Parce que je le vois là avec sa clique de demi-sodomite d'Armanin. Les filles de Macron et compagnie, en fait, ils sont confrontés un petit peu à l'autorité comme un jeune officier était confronté au feu pour la première fois. Et là, j'en ai déjà parlé avec Fulbert, on va voir les hommes se révéler. Et je pense que Macron, là, peut-être va durcir le ton, et en bon sodomite coincé dans sa bulle, je pense que, au point de vue purement institutionnel, je parle pas de la mise en place des forces de l'ordre, au plan du purement institutionnel, vu qu'il a les mains libres, avoir peut-être éventuellement le Sénat qui va faire un petit peu de bruit. J'ai vu que le gros Larcher a sorti sa couenne dernièrement. Il lorgne. Ça va être quelque chose. Ouais, il lorgne. Je pense que institutionnellement, ça va pas être piqué des hannetons, ça va être. Bon, bah, nous allons observer l'attitude de cette tapette de Macron dans les semaines à venir. Mais je pense que tu as raison. Je pense qu'il va vouloir souquer les goïmes. D'abord parce que ses maîtres juifs vont le lui demander. Et à mon avis, pas sur le ton... pas sur un ton très, très coulant. Hein. Je crois que ça va plus être de l'ordre de l'ordre. Hein. Voilà. Ouais, ça va être le fascisme, mais par et pour la banque juive, en fait. Oui, ce qui n'est pas du fascisme, hein. On appelle ça du communisme, en fait. Hein. C'est... Le bolchevisme, plus précisément. C'est ça, voilà. Donc, oui. Non, mais saigner à blanc les goïmes pour le compte de la finance internationale, ça s'appelle le communisme. Hein. Le concret, hein, le pratique, et pas le truc théorique que les gauchistes vous vendent. Oui, la société utopique, je ne sais pas quand, dans 100 ans. Hein, c'est, non, très concrètement, le bolchevisme, c'est ça. C'est... comment t'as la banque Warburg qui finance Trotsky pour arriver à Moscou et saigner à blanc les, comment dirais-je, les slaves pendant que Lénine, comment dirais-je, se fait payer une limousine par, par la finance internationale, quoi. Enfin, c'est... ça, c'est le marxisme réel. Ouais, oui, hein, le wagon, il n'était pas plombé. Hein. Hein, les banquiers ont pris soin de payer des gardes du corps pour que les Lénine puissent traverser l'Allemagne tranquillement, et puis évidemment avec des accompagnements pour que le voyage se passe bien. C'est surtout Trotsky qui a joué le rôle le plus intéressant. Je vous dis à la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.